Oui, je vois surtout que vous êtes intarissable sur le sujet. Ah, je vous ai saoulé. Ah non, je buvais vos paroles. Ah bon. Banette, chaque jour, s'engager par amour du pain. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Et ce dimanche, les régions situées au nord-ouest seront encore sous les averses. C'est le cas sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Côtes du Nord. Le ciel restera gris toute la journée avec des fréquentes averses et du vent qui souffle en rafale jusqu'à 60 km/h. Ailleurs, après dissipation des brouillards et grisailles du matin, bien présentes notamment en Bourgogne, ce sera globalement un temps calme des frontières belges aux Pyrénées et sur la Méditerranée. Le soleil sera souvent voilé mais bien présent. Le vent amènera plus de nuages et localement même des gouttes sur le golfe du Lion cet après-midi. Demain lundi, une nouvelle perturbation balayera le pays. Le ciel sera nuageux et pluvieux sur une large partie et alors qu'à l'ouest profitera encore d'éclaircies malgré les nuages. Les températures cet après-midi sont en hausse et au-dessus des normales. 17 degrés à Brest et Cherbourg, 18 à Nantes et Strasbourg, 19 pour Lille et Reims, 20 degrés à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 pour Nice, 22 à Marseille, Bordeaux et Toulouse et 23 à Ajaccio. La météo avec Atlantique, chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec à 14h cyclisme, championnat du monde sur route homme et rugby, coupe d'Europe UBB Ulster. 15h football Ligue 1 Rennes-Bordeaux suivi à 17h de Saint-Étienne-Dijon et à 20h45 de Marseille-Metz. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, l'information de la nuit. À Angers, dramatique accident, un balcon qui s'écroule et qui emporte 14 personnes. 4 d'entre elles ont perdu la vie. Ça ne peut pas être plus clair. Emmanuel Macron se pose en candidat à la présidentielle. Longue interview pour Challenge ce matin, décryptage dans le journal. Et puis le foot et le PSG qui souffrent, mais le PSG qui gagne. 2-1 à Nancy, hier soir, 9e journée de Ligue 1. Il est 6h sur RMC, bonjour à tous. 23h30 hier soir, plein centre d'Angers dans le Maine-et-Loire, un bruit sourd puis des hurlements, disent les témoins, un balcon a cédé, balcon qui se situait au 3e étage d'un immeuble, 14 personnes étaient dessus, 4 sont donc décédées, retrouvées sous les gravats. Le plan blanc a été déclenché sur place, écoutez les précisions d'Anita Régnier, directrice de communication du CHU d'Angers. On déplore 4 décès et nous avons accueilli au CHU 9 patients, il n'y a pas d'urgence vitale. Les personnes, les patients sont pris en charge. Les familles des personnes hospitalisées également. Voilà, et l'identification des quatre personnes décédées est en cours. Anita Régnier, jointe ce matin par Lucille Huguet. Le dernier bilan fait donc état de 4 morts. Je vous le disais, 11 blessés, dont un en état d'urgence absolue. 70 pompiers ont été mobilisés sur place cette nuit. C'est un autre accident dramatique début août à Rouen. L'incendie dans un bar de la ville. 14 personnes y avaient perdu la vie. La mairie a donc décidé de prendre les choses en main et prononcé hier la fermeture de 10 bars dans la ville. Mesure de sécurité, aucun n'était aux normes. Si ce n'est pas mettre le costume de présidentiable, ça y ressemble beaucoup. Longue, très longue interview d'Emmanuel Macron ce matin pour le magazine Challenge. Il n'élude quasiment aucun sujet. Et tacle sérieusement François Hollande, Benjamin Smadjam. Je ne crois pas au président normal. Emmanuel Macron n'attend que 5 questions avant de tirer à boulet rouge sur ce qui faisait la force du candidat Hollande en 2012. Selon lui, ce concept de président normal déstabilise les Français et fait courir un risque pour l'efficacité de l'action. Même s'il dit avoir de l'amitié personnelle pour le chef de l'État, Emmanuel Macron semble garder un goût amer de son passage à Bercy. On ne m'a pas permis de mener les réformes ni sur le fond, ni sur la méthode. L'ancien ministre n'est pas plus tendre non plus avec le Parti Socialiste qui ne repose plus, selon lui, sur une base idéologique suffisamment cohérente. Le PS n'a pas le monopole de la gauche, déclare l'ancien ministre, qui ne se présentera pas à la primaire socialiste. Ce triste spectacle, dit-il. Emmanuel Macron va donc jouer son rôle de poil à gratter jusqu'au bout. Une volonté de transgression d'autant plus forte maintenant qu'il a vu le système de l'intérieur. Les précisions directes ce matin de Benjamin Smadja. La politique, c'est aussi ce sondage à droite, 3 jours après le premier débat de la primaire. Sondage Ipsos pour RMC et BFM TV. Et l'enseignement, c'est qu'Alain Juppé creuse encore l'écart avec Nicolas Sarkozy. 42% des suffrages pour le maire de Bordeaux, 30% pour l'ancien président Stéphane Zumsteg de l'Institut Ipsos. Rien ne semble arrêter Alain Juppé. pour l'instant, en tout cas, il n'y a que des bonnes nouvelles pour lui et des mauvaises nouvelles pour Nicolas Sarkozy. Ce que l'on constate, c'est que jusqu'à présent, Nicolas Sarkozy bénéficie d'une avance assez significative auprès du cœur de l'électorat, c'est-à-dire auprès des sympathisants du parti Les Républicains. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les deux candidats font pratiquement jeu égal. Au premier tour, on donne 12 points d'avance pour Alain Juppé. Cet écart est encore plus important. Il est même spectaculaire au second tour. Il est de 22 points. Les électeurs de Bruno Le Maire et de François Fillon, dans l'hypothèse où ils seraient éliminés au premier tour, se reportent massivement en faveur d'Alain Juppé et bien moins en faveur de Nicolas Sarkozy. Stéphane Jumsteg avec Martin Baudrero. 2 ans qu'ils n'avaient plus sorti leur drapeau rose ou bleu dans la rue, la manif pour tous est de retour. Ce dimanche, le mouvement né de la contestation au mariage gay compte bien jouer son rôle dans la campagne présidentielle aujourd'hui. Aujourd'hui, leur lutte concerne la GPA, la casse de la politique familiale, disent-ils, ou encore les menaces sur les libertés éducatives. Yvan fera le voyage de Montpellier pour se faire entendre. Pour Montpellier, on a à peu près 150 amis qui nous ont dit monter. On se donne rendez-vous avec les amis de Toulouse pour défiler derrière le drapeau occitan. On se rend compte que le gouvernement actuellement va essayer de nous servir ses plats dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc nous sommes toujours là, nous interpellons les candidats. On n'a rien contre une union entre des personnes de même sexe. Ce qu'on souhaite et ce qu'on désire, c'est qu'on ne prive pas un enfant de son père et de sa mère par la GPA. Et en plus, si vous observez la GPA, vous vous rendez compte que ce n'est qu'un vaste business. Yvan, militant, manif pour tous avec Charlotte Perronnet. Nice, ce dimanche, émotion encore intense aujourd'hui. Les associations appellent tous les Niçois à venir enlever de la promenade des Anglais tous les objets, les fleurs, les messages déposés depuis le 14 juillet dernier, depuis que 86 personnes perdaient la vie dans l'attaque terroriste. Hier, hommage national, plusieurs milliers de personnes réunies sur la colline du château. Sandrine, une rescapée, a pu rencontrer les politiques présents, mais ça ne l'a pas vraiment apaisée. J'ai réussi à parler à M. Hérault, M. Cazeneuve et M. Hollande. Je leur ai dit le fond de ma pensée. Moi, je suis très en colère, parce qu'on voit plus jamais ça après Charlie. Et puis ça continue. Il y a eu Nice, il y a eu le prêtre. C'est juste l'horreur en France, quoi. Je reconnais plus mon pays, ça suffit. Il m'a dit qu'il entendait la colère, qu'il faisait ce qu'il fallait. Je dis mais c'est pas des paroles dont on a besoin, c'est des actes. Et voilà. Surtout que les fichiers S, tous les gens qui sont répertoriés comme terroristes potentiels, qu'on arrête de prendre des gants avec ces gens-là, ça suffit. Le témoignage de Sandrine au micro d'Élodie Messager, 6h05 sur RMC. Pour le spectacle, ce n'est pas encore ça, mais le PSG a gagné hier. 2-1 à Nancy, Paris, deuxième de Ligue 1 ce matin, une victoire. C'est tout ce qu'il fallait aux Parisiens avant une semaine terrible, Nicolas Jamin. Oui, peu importe la manière, il fallait gagner hier pour se tourner l'esprit tranquille vers deux rendez-vous très attendus. C'était les mots de tous les Parisiens après le match, comme ceux du capitaine Thiago Silva. C'était important de gagner aujourd'hui pour donner la confiance pour mercredi, parce qu'on sait qu'il arrive au match difficile à la maison. Et on a besoin de gagner. Bâle mercredi en Ligue des Champions, puis le rival Marseille dimanche en championnat. Ce PSG et son entraîneur en pro critique n'ont pas le droit de manquer une semaine que certains qualifient de décisive. Pas Adrien Rabiot, milieu terrain du PSG. Toutes les semaines, on nous dit que c'est décisif, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ouais, je pense qu'en ce moment, il ne faut vraiment pas lâcher. Car les Parisiens sont peut-être enfin sur la bonne voie. Évitez donc tout accident mercredi et dimanche. L'équilibre est encore fragile. Les autres résultats hier des victoires 2-1 pour Nantes face à Lorient et pour Angers face à Bastia. Guingamp-Balille 1-0, 3-2 pour Montpellier face à Caen. Le rugby, la Coupe d'Europe et un samedi cauchemar pour les clubs français. 4 engagés, c'est tout simple, 4 défaites. Toulon n'a pas fait le poids face aux champions en titre, les Saracens. Défaite 23-31, Florent Germain. Oui, pour une fois, Mourad Boudjelal n'aura pas poussé de coup de gueule monumental après une défaite à domicile. Le RCT est simplement tombé hier face à plus fort que lui et il y avait presque un sentiment de fatalité sur les visages toulonnais, conscient que la domination des Anglais en première période face à un RCT apathique a parfois eu des allures de démonstration. Toulon est désormais dos au mur. La première place promise aux Saracens semble déjà être inaccessible. Le RCT devra s'inspirer de l'exploit réalisé la saison passée quand Toulon avait gagné 5 matchs d'affilée après une défaite chez les Wasps au premier match. Boudjelal, un brin parano, mais persuadé que le RCT va se relever, a d'ailleurs demandé aux détracteurs du rugby club toulonnais de ne pas mettre tout de suite une bouteille de champagne au frais. Défaite également hier pour Montpellier, pour Toulouse et pour Castres. Et puis le cyclisme, la clôture de la saison, c'est aujourd'hui au Qatar, la course homme des championnats du monde. Épreuve plutôt plate, dévolue donc a priori aux sprinteurs, a priori seulement parce qu'il va faire chaud, 40 degrés, et ça fait un peu peur à Arnaud Démare, hein, une des chances françaises. Ça va jouer sur la lucidité. On n'est pas à l'abri d'un coup de pompe dans la dernière heure suite à une déshydratation. Voilà, les spécialistes savent très bien quand on perd un litre d'eau ce que ça fait. Donc voilà, il va falloir vraiment faire attention à tout. Et puis bon, qui dit chaleur et boire beaucoup, voilà, il y a aussi des problèmes intestinaux ou quoi. Donc voilà, il va vraiment falloir doser l'hydratation et puis arriver en toute possession de ses moyens dans le final. Arnaud Démare, interrogé par Georges Quirino, 6h08 sur RMC. Bonjour François Sorel. Thomas Chupin, bonjour. Tout va bien ? Ah bah écoutez, formidable. Vous voulez, sans aucun doute, les pronostics hippiques du tiers écarté Quintet Plus de cet après-midi à Chantilly ? Eh bien, vous allez les avoir. Ah ben, merci. Sébastien Darras nous conseille de retenir le 4 Grand Jeté et le 15 Siyaka. Brahim Asloum est assez confiant avec le 2 Arose et le Rangouedar, quant à lui, retient l'As Magari et le 14 Handshop. Bonne outsider, nous dit Laurent. Nous avons donc le 4, le 15, le 2, l'As et le 14. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h10, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bon dimanche. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve. Nous sommes le dimanche 16 octobre 2016 et on va passer cette matinée ensemble avant de retrouver tout à l'heure dès 10h les GG du sport, bien entendu. Que va-t-il se passer d'ici 10h? Bah, tout à l'heure, dès 8h, Jean-Luc Moreau me rejoindra. Bien évidemment, on reprend les bonnes habitudes après la Formule 1 de la semaine dernière. 2h dédiées à l'automobile avec Jean-Luc. Vos questions auto 32-16, l'essai de la semaine, les amis. C'est la Peugeot 3008, très attendue. Jean-Luc nous dira ce qu'il pense de ce véhicule. Et puis en deuxième partie, on vous donnera un maximum de conseils pour conserver votre permis avec Maître Rémi Jossomme qui régulièrement intervient dans ce rendez-vous dédié à l'automobile. Voilà, le droit de l'auto, ce sera tout à l'heure avec notre avocat et bien évidemment Jean-Luc qui sera là pour répondre à toutes vos questions à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, c'est les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour François. Bonjour à tous. Laetitia Barlerin, le Rhin, les amis, qui n'a pas de problème de permis, Laetitia. Vous n'avez pas non. Tout à l'heure de questions à poser à notre avocat défend l'automobiliste. Non, j'ai tous mes points. Vous avez tous vos points. J'ai tous mes points, donc non, j'ai pas. Tout va bien. Tout va bien. Parfait. Tout va bien. Notre vétérinaire est là jusqu'à 8h sur RMC, les amis. Et vous pouvez joindre Laetitia Barlerin au 32 16 ou bien animaux@rmc.fr. Tout à l'heure, on retrouvera le quiz de la vie privée des animaux, Laetitia. Oui. On va parler des castors. Eh oui. Bah oui, des castors. Vous savez qu'ils reviennent en Île-de-France. C'est comment ça, des castors en France? Mais des castors en Île-de-France. Mais des castors en Île-de-France. Eh oui. Dites-moi, on verra ça tout à l'heure. Voilà, peut-être qu'ils vont arriver sur Paris, les castors. On va voir. Ça peut être sympa. Est-ce que c'est un animal sympa, tiens, le castor? On posera la question à notre invité. Je sais pas, je sais pas. Ils m'ont pas invité. Vous avez jamais consulté? Ils m'ont pas invité à dîner. Non, jamais. Jamais. On découvrira aussi une nouvelle race de chiens, Laetitia. Eh ben oui, il y a une nouvelle race de chiens qui vient d'être découverte en Auvergne. Et il s'appelle le berger d'Auvergne. Bah oui, bien sûr. Alors, pourquoi? Tiens. Comment? Alors, c'est quand même bizarre parce qu'il y a plus de 330 races au monde de chiens. Alors, pourquoi une nouvelle race? On en saura plus justement avec le président de l'association de sauvegarde de cette race. Et on parlera de l'association Handichien. Alors ça, ce sont des chiens... Alors, vous connaissez les chiens guides d'aveugles. Et bien là, ce sont des chiens qui aident les personnes handicapées. C'est incroyable. En fait, ils remettent gratuitement des chiens aux personnes handicapées. Voilà, on exactement, en parlera tout à l'heure. Les chiens guides d'aveugles. Et puis, on parlera un petit peu cinéma quand même. Eh ben oui, Avec un événement. Avec un événement. Mercredi est sorti L'Odyssée, un film sur le commandant Cousteau, avec au casting, bien sûr, Lambert Wilson, Audrey Tautou et Aurélie Frex a vu le film, a rencontré son réalisateur, Jérôme Salle. Voilà, donc on écoutera les propos du réalisateur de ce film attendu, L'Odyssée. Propos recueillis, vous le disiez, par notre productrice Aurélie. Voilà, vous savez à peu près tout. Le 32-16, bien évidemment, dès maintenant, pour joindre Laetitia et poser votre question animaux. 32-16 ou animaux@rmc.fr. Et comme d'habitude, vous nous laissez votre numéro de téléphone. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On est très heureux d'être là. Et on attaque avec Michel qui nous attend. Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Oh non Michel, on recommence. C'est Laetitia et François. On ne dit pas de monsieur ici. C'est un mot interdit. Ah bah oui. Ah bah oui. Ben oui. Donc on recommence. Bonjour Michel. Bonjour François. Ah, et puis il y a Laetitia aussi. Laetitia, ben voilà. Oui. Ah ben quand même. J'écoute tout, mais les prénoms, je ne veux pas y mélanger. Oui, ben vous savez, vous êtes comme moi. Moi, des fois, j'oublie, Laetitia, je l'appelle je ne sais pas quoi. Des fois, je oui, change, oui, je... ah ben ça c'est... Eh, si vous lui parlez dans l'oreille, ça se dit pas, ça. Hein. Ouh là là, attendez, Michel, attention. Je m'approche jamais trop de Laetitia ah ben parce moi, que. Moi, je sais pas, moi, ça me garde pas. Ah, non, non, non, mais moi, vous j'ai savez. J'ai des chiens gardes du corps, hein, attendez. Non, mais c'est même pas ça, c'est que j'ai peur qu'elle. Garde du corps, hein. J'ai peur qu'elle me fasse une piqûre si je m'approche trop d'elle, vous savez. Elle a ah, tout. Elle a... Non, elle est pas méchante. Faut alors, se méfier des vétérinaires, hein, n'est-ce vrai. Pas, Michel. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Michel? Eh bien, il m'arrive que j'ai fait. J'ai amené mon chien, mon espagnol, qui est normalement très gentil. Oui. Pour le faire vacciner à l'herbe, dans l'Allier, là. Oui, là. Oui. Et je sais pas ce qu'elle fait, elle a fait, elle m'a dit... Je... Ah, ça elle c'est vous dingue, a dit, ah, on elle vous, saura, elle, est-ce qu'on saura un jour. Mais quel suspense, les amis. Vous avez vu, on a commencé la question. Oh, le teasing. vous dites comment, le teasing, vous? Oui, c'est pas, le vous teasing. Savez c'est, vous savez que c'est pas du tout teasing qu'on dit. Il y a Mac Tyson, mais lui, ça n'a rien à voir. Et le teasing. Moi, j'adore parce que Laetitia, de temps en temps, prononce... Alors, vous savez, on est quand oh, on fait moi, de la radio... Je suis anglophone, hein, vous voilà. L'avez vu. Vous avez remarqué. Bon, voilà, de temps en temps, on emploie des mots un peu anglais. Et Laetitia, à chaque fois, elle me sort des trucs, je comprends pas. Mais là, le teasing, les amis, c'est beau quand même. Le teasing. Michel, vous êtes de retour? Oui. Oui, ben voilà. Oui. C'est le portable, ça, vous non, savez, on là... peut plus faire confiance en la technologie. Alors, qu'est-ce voilà. que vous a dit la vétérinaire? Eh ben, elle m'a dit que il fallait le laisser pour le faire vacciner. Elle n'avait pas le temps tout de suite. Et quand on a été le chercher, pour moi, elle l'a vacciné de la cage, vous savez, pour l'endormir, là. Et depuis, il y a des moments, on peut même pas l'approcher. Hein. Et avant, il était brave et tout. Alors, et là, je peux pas le faire revacciner. Si on l'amène dans la caisse pour redescendre, tu peux pas le prendre. Hein. C'est infaisable. Il a été vacciné quand, Michel? Attendez, je vais demander à la maman. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est vacciné. Récemment ou est-ce qu'il y a un an? C'était récent, Michel? Septembre 2014. Ah, depuis septembre 2014, vous pouvez pas approcher votre chien? Ah, on peut pas le faire revacciner, non. D'accord. Et comment faut faire? Ah, comment faut faire? Ben oui. Bon. Non, parce que, d'après ce que j'ai compris, Michel, mais vous allez peut-être me contredire, il a été vacciné en 2014 par une vétérinaire qui l'a gardé parce que, voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Quand il est revenu de la clinique, il n'était plus le ouais, même. Son comportement enfin, avait changé, voilà. Visiblement. C'est un peu ça, Michel? C'est ça, c'est exact. Bon. Comme s'il avait été traumatisé ou est-ce qu'il a ah, eu... Ah oui, il a été traumatisé, sûrement. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, moi je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, mais c'est impensable. Hein. Bah, écoutez, je ne sais pas non plus, mais bon, vous savez, il y a des chiens qui sont plus sensibles que d'autres et qui se traumatisent plus que d'autres. Oui, plus donc, facilement. Il suffit voilà. qu'il ait été mis en cage, etc. Ou qu'il y a quelque chose qui est arrivé, je ne sais pas, moi, par exemple, elle l'a mis en cage et puis il y a un truc qui est arrivé comme un grand boom de je ne sais pas quoi. Oui, oui. Et le chien associe le vétérinaire à quelque chose de mauvais, de traumatisant. Oui. Après, il associe... Vous savez, les chiens aiment bien associer et anticiper. Surtout quand ils ont vécu une expérience désagréable. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, bah, le vétérinaire, vous savez, c'est un peu comme les chiens qui arrivent et qui freinent des cas de fer quand ils rentrent dans la clinique vétérinaire. Ils se disent, ouh, je vais avoir ma piqûre. C'est un peu comme nous quand on va chez le dentiste. Hein, on oui, freine oui, oui. aussi des cas de fer. On dit, on va avoir la fraise, bon. Donc c'est un peu ça. Et donc il associe le vétérinaire à quelque chose de pas bien pour lui. Puis après il associe la cage où on le met pour l'emmener chez le vétérinaire à quelque chose de pas bien pour lui. Michel, moi je sais pas du tout si, enfin j'ai pas bien compris si avec vous il était aussi agressif. S'il veut pas rentrer dans une cage ou s'il veut pas aller chez le vétérinaire, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les chiens. après, voilà, il faut voir s'il faut pas y aller différemment chez le vétérinaire, c'est-à-dire pas prendre la voiture, mais prendre une autre voiture, par exemple. C'est tout bête. Des fois, il suffit de prendre une autre voiture. Oui, ça le perturbe, enfin, voiture, il dit, tiens, ouais. Parce qu'il fait des associations. Il se dit, quand je rentre dans cette voiture, peut-être qu'on m'emmène chez le vétérinaire. Prendre un autre parcours ou y aller à vélo, ou enfin, je sais pas. Déjà, il y a ça. Après, vous pouvez demander à votre vétérinaire de donner quelque chose qui va le calmer, mais pas un sédatif, hein, quelque chose de naturel qui va diminuer son anxiété. Ça, tranquilliser, c'est, oui. Oui, mais tranquilliser, derrière ce mot, on pense à un tranquillisant. Non, c'est pas mais un tranquillisant. Quelque chose de vraiment qui va l'apaiser. Voilà. Avant d'aller chez le vétérinaire pour le faire vacciner. Et puis Michel, vous avez aussi l'option d'appeler un vétérinaire qui vienne à domicile vacciner votre chien. Oui. Comme ça, il n'y a pas tout ce rituel. Je prends la voiture, on me met dans une cage. Je ne sais pas pourquoi on le met dans une cage. D'ailleurs, Michel, est-ce que vous avez une réponse pourquoi vous le mettez dans une cage? Eh bien, je vais le mettre dans le cage pour le mettre dans la voiture. Ah, mais vous pouvez pas le mettre dans la voiture sans le mettre dans une cage? Ah, ben moi, je peux. Ah, il monte sur les sièges et partout, mais vous savez qu'on n'a pas le droit de rouler avec un chien. Alors, il a une caisse exprès, bien aménagée. D'accord. Mais comme là, si je l'ai, je lui dis pas, tu vas pas au vétérinaire, il monte dans la caisse, impeccable. Mais c'est quand vous ouvrez la porte, s'il y a d'accord. quelqu'un à côté ou n'importe, ah ben, il vous mord. Hein. Bon, ben voilà. Alors là, c'est vraiment une agressivité par peur. Il a peur, il anticipe. Donc Michel, ce que je vous conseillerais de faire, c'est bon d'abord de l'amener chez le vétérinaire, mais sans ce rituel de la caisse, machin, nanan. Éventuellement de l'amener dans une autre voiture et de demander au vétérinaire quelque chose d'apaisant. Ensuite, arriver chez le vétérinaire. Peut-être qu'il faut changer de vétérinaire aussi, parce qu'il associe déjà cette clinique-là à quelque chose de... Vous voyez, ce qu'il faut, c'est que ce chien a vécu quelque chose qui, pour lui, est traumatisant. Bien souvent, c'est rien du tout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on l'a battu. Hein. Et peut-être changer de clinique, justement, pour qu'il n'associe pas ça. Et puis, Michel, si ça dure depuis 2 ans, moi, j'irai voir, justement, un vétérinaire comportementaliste pour voir ce qui se passe avec votre chien et diminuer cette anxiété et éviter qu'il devienne agressif. Dans un instant, Laetitia, nous aurons Brigitte et notre quiz de la vie privée des animaux. Il est 6h20, c'est RMC. C'est le week-end des experts. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Vos animaux. À la rencontre des boulangers Banette. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, vous avez choisi d'être boulanger avec Banette. Oui, absolument. Alors certains pensent que Banette est une chaîne. Alors vous travaillez pour une chaîne ou pas? Ah non, je suis indépendant. Si je suis devenu boulanger, c'est aussi pour ne pas avoir de patron. J'aime bien décider de tout. Mais alors comment vous fonctionnez avec Banette? Ce sont des partenaires. Ils me proposent des recettes, des animations, des formations. Mais et c'est vous qui décidez? Ah ben oui, c'est moi qui décide. C'est moi le patron. Et l'animation dans la vitrine, là? Ben oui, c'est moi. Et ce pain au maïs, là? Oui, aussi. Et le polo que vous portez? Ah non, ça c'est ma femme. Ah bon? Bah, c'est aussi la patronne, hein. Elle décide de beaucoup de choses. Banette, chaque jour, s'engager par amour du pain. Deepwater, revivez la plus grande catastrophe pétrolière de tous les temps. Mayday, Mayday, ici Deepwater Horizon. Il faut qu'on sorte de là. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Deepwater, avec Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell et Dylan O'Brien. Actuellement au cinéma, avec RMC. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. h 21, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. Dans un instant, Brigitte qui va nous parler de son border collie. Mais auparavant, la tia-tia, auparavant, c'est le quiz de la vie privée des animaux. Attention, les amis. Je vous rappelle le concept du quiz des animaux. Si vous nous écoutez pour la première fois, Laetitia surfe sur l'actualité et essaie de me coincer avec une question insolite liée aux animaux. Et je vais vous parler d'Anna. Alors Anna, qui est Anna? C'est une moscovite qui est devenue une star des réseaux sociaux grâce à son chat. Mais surtout... Comme ça arrive souvent d'ailleurs. Oui, parce qu'il lui est arrivé quelque chose en rapport avec son chat. Et c'est une mésaventure qu'elle a vécue à cause de son chat. D'accord. C'est-à-dire qu'à 3h du matin, à Moscou, elle a dû appeler les secours. Ah. Pourquoi? Donc, elle appelle les secours, pourquoi? Et c'est lié à son chat. Voilà. Alors, pour dire, elle appelle les secours et après, elle tweet et elle met sur Facebook sa mésaventure. C'est pour ça qu'elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux. Son chat l'avait enfermé dans un ascenseur. Ou alors... Il l'avait enfermé dans un ascenseur. Oui. Ça, c'est rare quand même. Ou son chat l'avait enfermé sur son balcon. Ou son chat s'était enfermé dans sa voiture. Mmh. Il n'y a qu'une bonne proposition, Laetitia. Oui, parce que sinon c'est vraiment une star, son chat. Ah oui, oui, oui, d'accord. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça, cette histoire-là. Mmh. D'accord, et ça a fait donc le tour du monde sur les réseaux sociaux. Oui, bah oui, bon, parce qu'à 3h du matin, quand elle attendait les secours, eh ben, bon, bah, elle était sur les réseaux sociaux, elle racontait sa mésaventure, quoi. On est d'accord. Bon, Laetitia, évidemment, je n'en ai aucune idée. Mais en revanche, vous, si vous avez une idée, si vous en avez entendu parler de cette histoire-là, aidez-moi, animaux@rmc.fr, donnez-moi votre version des faits, la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux tout à l'heure, juste après la météo et les infos de 6h30. Et on enchaîne avec Brigitte qui est là. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Brigitte. Alors, merci pour votre émission. Et merci alors, à vous. Moi en fait j'ai deux questions. Alors la première, je vais avoir un border collie de 2 mois. Je ne l'ai pas encore. Sur différents sites, on conseille la cage dans l'appartement pendant la nuit et l'absence du maître pour éviter les dégâts et apprendre la propreté. J'ai pas compris. Sur les différents sites, on conseille... On conseille la cage, genre quenelle. Oui, je vois très bien. Oui, la cage. Oui. Voilà. Pour éviter les dégâts et apprendre la propreté. Oui. Pour ma part, je pars environ 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Oui. Et mon réflexe est tout d'abord de penser, bien évidemment, que cette méthode est un peu barbare. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Oui. Et ma deuxième question, c'est que j'entends aussi un peu partout que les border sont hyper actifs et difficilement gérables. Alors, je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Alors, là, pour répondre à la dernière question, c'est une race de chiens de berger qui passe sa journée à surveiller des troupeaux. Donc, c'est des chiens qui sont très sportifs, qui ont besoin de se dépenser. Et ça, Brigitte, c'est important à savoir puisque vous allez avoir un border collie chez vous. Donc, ça veut dire que c'est un chien qu'il va falloir sortir, faire courir. Il faudra imaginer aussi un sport avec lui. L'agility, ce sont des rois de l'agility, par exemple. Le frisbee, c'est pas mal. Le canicross, ce sont des champions. Donc, va falloir faire du sport avec lui. Oui, on est déjà allé voir un club d'agility hier. Et voilà. Ah ouais, mais vous allez voir, ce sont des champions, ils ont toujours les médailles en agility. Donc, et ça permet en même temps de les éduquer. Et voilà, ils ont besoin de se défouler, Brigitte, ça c'est très important. Ce n'est pas des chiens de canapé. Deuxième question, alors concernant la cage. Alors je ne sais pas, François, si vous avez déjà entendu parler des cages pour chiens qu'on met dans l'appartement. Alors cette technique vient des États-Unis et du Canada. Est-ce que c'est vrai une cage? Alors oui, alors vous voyez dans des bouquins qui ont été traduits des États-Unis ou du Canada, des photos de ces cages. Alors c'est des grandes cages pour chiens que l'on met dans l'appartement. Alors pour nous Français, c'est barbare. Enfin, ça nous paraît barbare. Bah, oui, c'est vrai, on se dit... Voilà, pourquoi on va enfermer son chien dans une partie de l'appart? Voilà, alors pourquoi ils ont la technique de la cage? Alors, il faut savoir qu'ils ont la technique de la cage pour, soi-disant, apprendre la propreté du chien, parce que le chien a appris avec sa mère, le chiot, qu'il ne fallait pas faire dans le nid. Donc, si on le met dans une cage, c'est son nid, donc il ne va pas faire dans son nid. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis, c'est aussi pour lui apprendre à rester seul, parce que le chien aime bien, c'est vrai que le chien reste plus facilement seul quand il est dans un petit endroit. C'est-à-dire que quand vous lui donnez un appartement de 300 mètres carrés et que vous partez, c'est un peu angoissant pour un chien. Il vaut mieux le mettre dans une pièce. Alors que s'il a une zone délimitée, c'est mieux. C'est mieux. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia, vous, de cette cage? Je pense que ce n'est pas nécessaire, Brigitte. Parce que le problème de la cage, c'est que, et moi ce que je vois aussi, c'est qu'on met le chien dans la cage et puis on s'en va à 8 heures. Eh oui. Parce qu'on se dit, il est dans la cage, il ne va pas faire de dégâts. Mmh. Alors que non, si vous voulez le mettre dans la cage, parce que vous partez une heure, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas trop pour la cage. C'est pas que ça soit barbare, mais enfin, mettre une cage comme ça dans un appartement, il vaut mieux le laisser dans une pièce, avec son couffin, ses gamelles, et puis revenir souvent et ne pas le laisser pendant 8 heures dans l'appartement. Voilà, Brigitte, ce qu'il faudra faire, et moi ce que je vous conseille, c'est plutôt qu'une cage, un couffin, tipi. C'est-à-dire un couffin, vous savez, qui est fermé comme une tente. D'accord. Là, il va se sentir chez lui. Oui. C'est un endroit en sécurité. Ouais. Ça sera important. Alors, bien sûr, il va grandir, il va plus rentrer dans ce coussin, ce couffin tipi. Mais ça serait pas mal de lui acheter ça. D'accord. Plutôt qu'une cage. Et puis, il faut le sortir très souvent. Faut pas le punir s'il a fait un accident. Enfin bon, voilà. Il faut le récompenser dehors à chaque fois qu'il fait. C'est comme ça que vous allez lui apprendre la propreté. Et la cage n'est pas forcément nécessaire. Brigitte, je crois que vous aviez une deuxième question. Et c'est bon. Ah non, c'est bon. Voilà. Ah, je crois que voilà, voilà. D'accord, ok, bon, très bien. Voilà, c'est, bien, voilà, Brigitte. Pas, voilà, c'est pas obligatoire, Brigitte. Je vous dis, c'est une technique anglo-saxonne, la technique de la cage. Et c'est vrai qu'elle a pas beaucoup, enfin, elle fait pas l'unanimité en France. Ben voilà. Laetitia, on va revenir dans un instant. Il est pratiquement 6h30. On va retrouver la météo, les infos. Et on repart, si tout comme Brigitte, vous voulez joindre notre vétérinaire, c'est le moment ou jamais. 3216 ou animaux@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. RMC Basket. Le seul show radio 100% basket. C'est Basket Time. Basket Time. Pro A, Pro B, NBA, équipe de France. Tout le basket est sur RMC. Tous les lundis dès 21h avec toute la Dream Team Basket d'RMC. Basket Time. Basket Time. 1h 100% basket. C'est demain 21h-22h sur RMC. Demain à 20h50 sur RMC Découverte, ne ratez pas les bonnes occasions. Jerry dégote les meilleurs. Aurélien les répare dans les règles de l'art. Un nouveau duo d'experts qui offre une nouvelle jeunesse aux voitures vintage. Wheeler Dealers France, c'est demain dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. C'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de ce dimanche avec Valentin Maillot que je salue. Bonjour François, bonjour à tous. Et ce dimanche, François, le Nord-Ouest est de nouveau sous la grisaille et les averses. Il pleut en ce moment sur la Bretagne, ces averses ont gagné rapidement les pays de la Loire, la Normandie et les côtes du Nord au fil de la matinée, accompagnées par ce vent qui souffle en rafale jusqu'à 60 km/h. Le ciel est bien plus dégagé ailleurs, des frontières belges aux Pyrénées et sur la région PACA. Le soleil même voilé est bien présent, à noter quand même localement des bancs de brouillard ce matin, notamment en Bourgogne cet après-midi. C'est un peu la même photographie, le Nord-Ouest restera globalement sous les averses, le soleil, lui, toujours voilé, sera présent du Grand Est à la Nouvelle-Aquitaine en passant par les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Les températures cet après-midi sont en hausse et au-dessus des normales, 17 degrés à Brest et Cherbourg, 18 à Nantes et Strasbourg, 19 degrés pour Lille et Reims, 20 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 pour Bourges et Nice, 22 degrés à Marseille, Bordeaux et Toulouse et 23 à Ajaccio et Biarritz. La météo avec Atlantique, chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. C'était RMC, il est 6h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Dramatique accident à Angers. Cette nuit, il était 23h30 quand un balcon s'est effondré en plein centre de la ville. Balcon situé au troisième étage d'un immeuble. 4 personnes sont décédées, 11 sont blessées, dont l'une en état d'urgence absolue. Le plan blanc a été déclenché sur place. 70 pompiers mobilisés. C'était un autre accident dramatique début août à Rouen. L'incendie dans un bar de la ville. 14 personnes y avaient perdu la vie. La mairie a donc décidé de prendre les choses en main et prononcé hier la fermeture de 10 bar de la ville, mesure de sécurité, aucun n'était aux normes. La politique, sondage RMC et BFM TV ce matin, sondage 3 jours après le débat entre les candidats à la primaire de droite, et il n'y a pas photo, Alain Juppé creuse l'écart. 42% des intentions de vote au premier tour, Nicolas Sarkozy est à 30%. Longue, très longue interview dans le magazine Challenge ce matin, Emmanuel Macron pose les bases de sa candidature à la présidentielle, détaillant sa vision de la fonction. Un président normal, c'est une erreur, tacle clair François Hollande. L'ancien ministre prédit également la fin du Parti Socialiste. C'est aujourd'hui le retour de la manif pour tous, 2 ans qu'il ne s'était pas montré. Aujourd'hui, il dénonce la GPA, la casse de la politique familiale et la menace sur les libertés éducatives. Il compte bien se faire entendre durant la campagne présidentielle. Les sports, le football, le PSG qui ne brille pas mais qui gagne, 2-1 face à Nancy, 9e journée de Ligue 1, même score pour Nantes face à Lorient et pour Angers à Bastia. Guingamp à Lille 1-0, 3-2 pour Montpellier face à Caen. Et puis le rugby, la Coupe d'Europe, un samedi cauchemar pour les clubs français. 4 engagés, 4 défaites, Toulon, Montpellier, Castres et Toulouse n'ont rien pu faire. 6h31 sur RMC. Vos animaux, François Sorel et Laetitia Barlerin. Thomas Chupin, merci. Un point complet sur l'actualité, ce sera tout à l'heure à 7h sur RMC. Et d'ici là, on repart dans vos questions animaux. 32-16, à tout de suite. Si un jour vous cherchez la fréquence d'RMC, ayez le réflexe 32-16. Toutes les fréquences d'RMC sur simple appel. Laetitia, attention, attention, attention, c'est l'heure de la question flash. Vous êtes prête? Oui, bien réveillée pour cet exercice un peu compliqué. En moins de 2 minutes, là maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Julie. Mon chien de 5 ans adopté à la SPA est très stressé, Laetitia. Notre vétérinaire nous a conseillé un médicament à base de caséine de lait modifié parce qu'il a fait de l'eczéma pendant les vacances. Peut-on lui donner ce traitement au quotidien pour le stress? Oui. Alors, c'est quoi la caséine de lait modifié, vous allez me dire? On s'est aperçu que quand les chiots, les chatons et même les nourrissons buvaient le lait de leur maman, ils étaient zen après. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, ils avaient la capacité de modifier une protéine de lait qui s'appelle la caséine, de la modifier en une molécule qui était anxiolytique. Ils produisaient eux-mêmes, à partir du lait de leur maman, une molécule qui les apaisait. Mmh. Et cette capacité, ils ne l'ont plus tard, en étant adultes, puisque c'est une enzyme qu'ils n'ont plus. Et on a réussi à reconstituer cette protéine, donc la caséine de lait modifiée, pour diminuer l'anxiété des chats, des chiens et même des humains. D'accord. Naturellement. Ah ouais. Tiens. Alors, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'habituation, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, Julie, si ce produit fait du bien à votre chien, vous pouvez lui en donner tous les jours, même toute l'année, si vous voulez. C'est quoi, c'est des petites gélules? Alors, c'est des petites gélules avec une petite poudre dedans, comme de la poudre de lait. D'accord. Il n'y a pas de goût, c'est pas amer. Ouais. Donc, vous pouvez en donner aux chats, aux chiens, et même à d'autres animaux, pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que c'est une manière naturelle d'apaiser. Voilà, d'apaiser. Voilà. Alors, ça n'a pas l'effet d'un psychotrope, non plus. Non, bien sûr. C'est pas le produit miracle, mais pourquoi pas, si ça fait du bien à votre chien, poursuivez ce médicament. Il n'y aura pas d'accoutumance, pas d'habituation, pas de dépendance surtout. Voilà, la caséine de lait modifié. A tout de suite, c'était RMC. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Moins 25, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et merci d'être avec nous. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en ce dimanche matin. Jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire. Notre veto qui c'est Le veto. Eh bien non, oui, c'est bien ça, on est d'accord. Dans un instant, le quiz de la vie privée des animaux. Et avec cette russe qui a été la star des réseaux sociaux grâce ou à cause de son chat. À cause de son chat. Parce qu'il lui est arrivé une histoire incroyable. Voilà. On va y revenir dans un instant. Parce que franchement, je pensais que vous alliez pouvoir m'aider sur le mail animaux@rmc.fr. Et j'ai les 3 propositions, Laetitia. Voilà. Mais là, donc, je suis un peu perdu. Je pense que ça va être compliqué. Vous n'avez pas une 4e proposition, si jamais Ça serait bien. Ça serait bien. Mais avant notre quiz de la vie privée des animaux, on accueille Micheline qui est là. Bonjour Micheline. Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Micheline. Bonjour Micheline. Avez-vous le bouton sur Paris ou est-ce que vous voulez que je vous l'envoie déjà? Écoutez, oui, si vous pouvez nous l'envoyer par mail. Micheline, vous êtes dans le sud, je suis sûre. Je suis sûre, mais vous êtes certaine. Je sais que vous êtes toulousaine. Ah, oui. J'ai longuement discuté avec vous, avec le professeur Lefebvre. Ah oui, bah dites. Oui. Ah oui. Non, mais vous me connaissez bien alors. Ah oui, tout à fait, parce que j'ai un bulldog français qui était tombé par la colonne vertébrale, qui est opéré. Oui. Lequel, eh ben, c'est le papa des bébés d'ailleurs que vous avez en photo. Oui, vous nous avez envoyé les photos de vos boubous. Oui, des héritiers. Bulldog. Des petits bébés héritiers que nous avons eu au printemps. Oui. Et il s'est avéré que ce petit bulldog, eh ben, il a été opéré. On m'a dit, vous craignez rien. Il avait 5 mois à l'époque. Vous craignez rien, il ne fera jamais de bébé parce que j'avais une femelle. Oui. Non, c'est lui qui nous coupe en chien. À 5 mois, ouais. Non, mais à 5 mois, c'est un jeune homme. Hein. Non, maintenant, il a 7 ans. Ah oui. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est le papa des bébés. Hein. D'accord. Alors, voilà. Donc, vous avez combien de bébés bulldog? Alors, il y en avait 6 en apporté, dont 2 jumelles dans la même poche. J'ai paniqué premièrement, je ne vous dis pas comment. Oui, bah, surtout les bulldogs, hein. Oui. Oui, c'est très costaud à faire. Mais bon, elles étaient petits bouchons, 98 grammes, une et l'autre 102 grammes des jumelles. Bon. C'est vraiment des petits volumes. Et alors, quelle était votre question, Micheline? Ma question, elle est simple. Dans la porte qu'il avait fait avant, oui, lequel il y a eu un bébé, Oui. Elle s'appelle Honolulu. Et Honolulu, on a un problème. Elle ne nous fait pas voyager, c'est que simplement, elle est très caractérielle depuis un an. Oui. Depuis un an, elle est, bon, elle est très, très cajolée par mon mari. Hein. C'est sa pompounette gâtée. Oui. Et elle veut prendre le dessus. Depuis que la maman a eu les derniers bébés, là, elle veut prendre le dessus et elle se plante devant sa mère. Et je la vois sa crête hérissée. Je dis, ça y est, elle va faire Géronimo. Et en fin de compte, bon, il faut que je la sépare parce qu'elle m'a tué sa maman maintenant. Elle est agressive avec les petits ou avec la maman? Alors, avec les petits, il ne faut pas la déranger. Elle a des moments où elle veut jouer avec eux quand elle veut. Oui. Et quand elle ne veut pas, il ne faut pas l'embêter. Bon, ça, alors, c'est les normal. Petits les petits ont compris, ils la laissent tranquille. Hein. D'accord. Voilà. Et les petits, ils ont quel âge maintenant? Alors, les petits ont 6 mois maintenant. D'accord. Ah oui, c'est plus des petits, hein? Non. Alors, j'en ai 3 dans la portée qui sont partis et 2 que je me suis fait plaisir de garder. Alors, Micheline, la question que je n'ai pas compris, c'est elle est agressive. C'est, votre problème, c'est qu'elle est agressive avec la maman. Oui. Et pas avec les petits. Elle prend le dessus sur sa maman maintenant. D'accord. Oui. Alors, je ne sais pas quoi faire parce que la maman est très, très gentille. Alors que le bulldog français est un chien qui sait bien défendre et quoi. Elle est très gentille, la maman. Très, très gentille. Alors, bon, ça, c'est des histoires de chiens, dans le sens où ça a, eux, de mettre en place des relations hiérarchiques entre les deux femelles. Alors, le fait que la deuxième femelle ait eu des petits et que Honolulu, la bien nommée, soit d'un caractère un peu plus, voilà, elle aime bien être la maîtresse à la maison, on va dire, parce qu'en plus elle est gâtée par votre mari, ce qui n'arrange rien. Comme elle a vu que l'autre bulldog avait eu des petits, elle essaye de s'imposer. Surtout que maintenant les petits, ils ont 6 mois, donc ils sont émancipés. Hein, voilà, ils font maintenant sont presque adultes, hein, si vous voulez. Mais si vous continuez à intervenir à chaque fois, il n'y a pas de relation stable qui puisse se mettre en place entre les deux. Il faut le savoir, ça. Il y a deux choses. D'abord, il ne faut pas intervenir parce que c'est à elles de gérer leur relation. C'est-à-dire, si l'une veut dominer l'autre, et ben voilà, ça se passe comme ça. En revanche, plus vous allez intervenir, plus ça va faire monter une tension entre les deux chiennes et plus Honolulu sera agressive avec la chienne. Et puis, la deuxième chose, c'est que Honolulu, il faudrait aussi qu'elle ne se sente pas la maîtresse à la maison. Et oui, donc, c'est ça. Dire à votre mari de la considérer comme un chien et de pas trop la gâter. c'est voilà, c'est parce ça. Parce que le problème d'un chien qui se sent vraiment maître à la maison, c'est qu'il doit tout gérer. Gérer les relations entre son maître et les autres chiens, gérer les relations entre les chiens, gérer tout. Donc c'est un chien qui est systématiquement en vigilance à regarder ce que font tout le monde, qui vraiment intervient dans toutes les interactions entre les personnes et les chiens entre eux, et c'est un chien qui à la fin est stressé tout le temps parce qu'il doit tout contrôler. Donc il faudrait dire à Honolulu, ce n'est pas à toi de contrôler la maison. Donc ça veut dire qu'il faut lui donner des règles de base. On lui donne pas à manger quand on mange. Mais oui, bien sûr. Voilà, elle n'a pas. C'est pas lui le chef, quoi. C'est pas lui le chef. Faudrait le dire à votre mari et comme ça va apaiser les relations. D'accord. Parce que elle, en fin de compte, elle intervient dans tout, dans les interactions entre le petit. Voilà. Après, concernant son attitude vis-à-vis des petits, faut savoir qu'un adulte peut décider de jouer avec des petits et le lendemain peut décider que les petits ne doivent pas l'embêter. Et ça fait partie de l'éducation des petits, ça. Les petits doivent savoir que c'est pas toujours les jeux et qu'avec les adultes, faut savoir si on peut jouer ou pas. Et ça fait partie de l'éducation des petits. Merci Micheline. Laetitia, 6h42. Il est temps maintenant de parler de notre quiz de la vie privée des animaux. Avec un quiz qui nous emmène cette semaine en Russie. Et oui, avec Anna, une moscovite qui est devenue, le temps d'une nuit, une star des réseaux sociaux grâce à son chat. Parce qu'il lui est arrivé enfin, une grâce ou à cause? À cause plutôt de son chat, puisqu'il lui est arrivé une mésaventure qu'elle a vécue à cause de lui, justement. À 3h du matin, elle a dû appeler les secours. Pourquoi? Donc elle appelle les secours à cause de son chat. Voilà. Trois propositions. Soit son chat l'avait enfermé dans un ascenseur. Soit son chat avait enfermé sur son balcon, soit son chat s'était lui-même enfermé dans sa voiture. Ouais. Pas facile, hein, la tia-tia. Parce que là, alors, sur animo@rmc.fr, je vous le disais tout à l'heure, ça part dans tous les sens. On a Alain qui nous dit, à mon avis, elle s'est retrouvée enfermée sur son balcon. Nous avons aussi Julien qui nous dit l'ascenseur. Et ça ne facilite pas l'histoire, cette histoire-là. Anna, le balcon, nous dit Donatien. Franchement, vous savez quoi? J'ai les trois propositions. Donc, je ne sais pas trop. Eh ben, intuitivement. Ah, je dirais le balcon. Parce que le balcon, ça me ferait rigoler de me faire enfermer sur le balcon à cause de mon chat, ça me ferait rigoler. Cela dit, en Russie, faut pas être en slip, quoi. Enfin, cela dit, ça va, là, c'est pas encore l'hiver. Quoi qu'en Russie, en octobre, ça doit commencer à y aller. Bon, je dirais ça, je dirais le balcon, là, tia-tia. C'est votre dernière proposition. Ben oui, attendez, oui. Il y a du monde au balcon, c'est parti. Je valide, Jean-Pierre. Alors, à 3h du matin. 3h du matin, 3h du mat. Vous vous rendez compte, en pleine nuit. Anna a tweeté. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à 3h du mat debout, elle, déjà? Bon, c'était dans la nuit du samedi à dimanche, je sais pas. Ah, elle rentrait peut-être de soirée. Et donc, Anna a tweeté, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Mais mon chat... Mon chat... m'a enfermé sur le balcon. Bravo! Ah, carrément! Elle s'est fait enfermer. Mais comment ça s'est passé, Laetitia? Alors, comment un chat peut enfermer quelqu'un sur un balcon? Alors, à 3h du matin, elle a envie de fumer une cigarette. Donc, oui. Elle va sur son balcon. Logique. Voilà. Et puis, voilà, elle fume, machin. De ce coup, elle voit son chat arriver dans l'appartement. Et son chat... prend appui sur la porte-fenêtre et presse la poignée de la porte-fenêtre. Et donc, il ferme la porte. Et alors, elle le prend en photo. Donc, elle appelle les services d'urgence. Et puis, en attendant le service d'urgence, parce qu'elle se retrouve sur le balcon comme... Elle avait son smartphone, quoi. Voilà, ben elle tweet en envoyant la photo en disant, bah voilà... mon chat m'a enfermé sur le balcon. C'est pas drôle, mais mon chat m'a enfermé sur le balcon et j'attends les secours. C'est incroyable, cette histoire. Et le chat l'a regardé. Mais oui. À travers la porte-fenêtre, en disant, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres pas? Voilà. Il s'est juste frotté sur la poignée de la porte-fenêtre. Et après, il a appuyé avec sa patte dessus, sans faire exprès, bien sûr. Et il a enfermé sa maîtresse sur son balcon. C'est drôle. en tout cas, voilà, plus de peur que de mal. Et puis, alors, je sais pas comment ont dû faire les pompiers. Ils ont dû forcer la porte, etc. pour entrer. Justement, on n'a pas la suite. On sait pas trop comment ils ont pu. Je sais pas avec. C'est rigolo. Tiens, si vous aussi, vous avez des petites histoires comme ça drôles, amusantes qui vous sont arrivées grâce ou à cause de votre chat, de votre chien, n'hésitez pas, hein. Il y a forcément, on a tous vécu des petites histoires comme ça rigolotes. Le 3216 ou animo@rmc.fr, on se fera un plaisir de les entendre. On revient dans un instant, Laetitia, et on va retrouver Frédéric qui aimerait adopter un chien. Sachant qu'il a déjà un animal à la maison, donc forcément il se pose des questions. Le 3216, animo@rmc.fr, à tout de suite. RMC, vos animaux. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Demain, je vous retrouve sur RMC avec plaisir dès 15h pour 100% Bachelot. Nous évoquerons un sujet fort d'actualité. Ensemble, nous en débattrons et nous chercherons des solutions. Opinion, conviction, solution, c'est 100% Bachelot. Je compte sur vous demain dès 15h sur RMC. Roselyne Bachelot, demain à 15h dans 100% Bachelot sur RMC. À la rencontre des boulangers Banette. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, vous êtes artisan indépendant, ça veut dire que vous travaillez seul ? Oula, non, c'est difficile de travailler seul aujourd'hui. Il y a beaucoup de concurrence, les gens bougent plus, ils sont moins fidèles. Est-ce que vous êtes fidèle, vous ? Oui, enfin non, enfin, j'avoue, j'ai plusieurs boulangeries dans ma vie. Et voilà, il suffit plus seulement de faire du bon pain. Il faut séduire les clients, avoir une boutique attractive en fait. Un autre métier, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec Banette. En plus d'une bonne farine pour faire du bon pain, eh ben, il me propose tous les outils dont j'ai besoin pour bien faire marcher ma boulangerie. C'est réussi, hein. Vous seriez prête à m'être fidèle ? Oui, mais j'habite à 250 km. Ah. Banette, chaque jour, s'engager par amour du pain. Demain, à 20h50 sur RMC Découverte, ne ratez pas les bonnes occasions. Jerry dégote les meilleurs. Aurélien les répare dans les règles de l'art. Un nouveau duo d'experts qui offre une nouvelle jeunesse aux voitures vintage. Wheeler Dealers France, c'est demain, dès 20h50, sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Il est 6h48, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. Notez que nous sommes là avec Laetitia jusqu'à 8h. Tout à l'heure, on évoquera la sortie d'un film qui était très attendu et qui est dans les salles depuis mercredi dernier. Il s'agit de l'Odyssée. Voilà l'histoire de commandant Cousteau avec Lambert Wilson et Audrey Tautou. Aurélie, notre productrice, a rencontré le réalisateur de ce film. On en parlera tout à l'heure, Jérôme Salle. Et puis, on évoquera aussi une race de chiens qui a été découverte. On parlera des castors, Laetitia, qui reviennent en France. En Île-de-France même. En Île-de-France. Attention, dans quelques années, ils seront à Paris. Et puis, on évoquera aussi l'association Handi Chiens qui éduque et qui remet gratuitement des chiens d'assistance à des personnes handicapées. Tout cela à partir de 7h. Mais d'ici là, bien sûr, place à vos questions animaux, le 32-16, animaux@rmc.fr. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Voilà, je vous explique brièvement la situation. Allez-y. Donc, j'ai une vieille chienne Beagle stérilisée de 15 ans. Oui. Un vieux chat de 17 ans. Oui. Et un petit chaton de 6 mois que j'ai sauvé dans la rue il y a à peu près un mois. Et tout le monde s'entend bien. Tout le monde s'entendait à merveille. Et j'avais un vieux chien Beagle qui avait 8 ans et demi, que j'avais adopté à un an. C'était un Beagle arrié, qui était très fugueur. Et je l'ai récupéré et avec moi, il n'a jamais fugué. C'était un chien fantastique. Oui. Et donc voilà, je l'ai perdu. Donc ma chienne qui est un peu malvoyante a perdu un petit peu son bâton de vieillesse, quoi. Et oui. Et donc on était en pourparler pour trouver un autre chien, mais on hésitait, est-ce qu'on prendrait adulte, chiot, la race qui serait le plus adaptée à notre situation familiale, sachant que nous sommes absents souvent le matin, mais par contre tout le reste de la journée, nous avons une grande maison, un grand parc où il peut gambader, on a des balades à faire dans les bois. Oh, bah c'est l'idéal chez vous. Mais oui, mais c'est l'idéal, sauf que pendant la période où il faudra qu'il s'habitue à rester seul. On a le salon, ils ont chacun leur petite place. Oui. Donc voilà, avoir un chien qui ne soit pas destructeur. Donc j'hésitais entre un petit et un moyen. Donc j'ai fait quelques petites recherches. J'étais parti sur soit un Beagle pareil, soit un Golden, un Labrador, mais qui soit un peu plus grand, ou un Berger Blanc Suisse. D'accord. Bon. Et savoir l'âge, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? J'ai entendu parler tout à l'heure de la varicanelle, que vous n'étiez pas trop favorable à ce système. La cage, oui, bon. Moi, je sais que la première fois que j'ai adopté celui qui avait un an, qui n'avait jamais vécu en maison, il m'a fait pas mal de dégâts. Les chiots. Il parlait les yeux dans les yeux et après, il m'a écouté, il a plus fait de bêtises. Donc. Vous devez avoir un pouvoir dans vos yeux. Ça devait être ça. Alors, concernant. Alors, vous avez un vieux chien, un vieux chat et un chaton. Une vieille chienne. Une vieille chienne, voilà. Oui. Alors. Que prendre comme chien? Si vous prenez un adulte, c'est-à-dire en refuge, oui. Bien entendu, il faudra prendre un chien qui soit habitué, d'abord qui aime être en compagnie d'autres chiens, il y a des chiens qui ne supportent pas la compagnie, et qui ait l'habitude des chats, bien entendu. Exactement. Bon. J'ai fait déjà des petites recherches, on m'a bien dit que beaucoup, avec les chats, c'était un peu difficile. Beaucoup, oui. Donc d'autres qui étaient un peu dominants, vous voyez, enfin... Alors voilà, je voudrais pas le ramener quoi. Voilà, bien sûr. C'est très, vu votre situation, c'est vrai que c'est très délicat de prendre un chien en refuge, parce que des fois on connaît pas le passé du chien, on sait pas du tout s'il a vécu avec un chat ou pas, parce qu'on l'a retrouvé dans la rue, par exemple, le chien. Après il y a certaines races qui sont des chiens de chasse qui chassent beaucoup les chats, et on évite aussi. C'est vrai que dans votre situation, je dis bien dans votre situation, c'est vrai que l'idéal, si vous voulez pas vous prendre la tête, faut prendre un chiot. D'accord. Pourquoi? Parce que le chiot, vous le prenez à 2 mois, et à 2 mois, c'est un animal qui va facilement se socialiser aux autres, aux chats que vous avez, vieux chat et petit chat, et qui va facilement aussi être materné par votre vieille chienne. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est pour. Pourtant, je suis pour l'adoption, hein. Entendez moi bien, aussi, hein. Moi aussi. Mais dans votre situation, c'est vrai que l'idéal, ça serait de prendre un chiot parce que vous allez façonner entre guillemets ce chiot. Il va s'habituer très vite à votre vie de famille, puisqu'il aura cette vieille chienne qui va le materner. Et ça, vraiment, hein, même si au début elle pourra un peu grogner contre lui parce que il va être un peu, voilà. Mais enfin, bon, les beagles, ils sont, c'est des bonnes pattes, quoi. Hein, c'est pas des, voilà. Je pense que votre chienne, elle va vraiment le materner, elle va vraiment bien l'accueillir. Votre vieux chat va lui cracher dessus, mais ça sera juste pour dire, écoute, ici, c'est moi le maître. Le chaton va jouer avec le chiot, ça va être super. Ils vont grandir tous les deux ensemble, ça va être génial. Concernant la race, c'est comme vous voulez. Parce qu'il n'y a pas, à partir du moment où vous prenez un chien de 2 mois, il va se socialiser à tous les animaux que vous avez à la maison, oui. Peu importe la race. D'accord. C'est à vous de choisir la race. Excusez-moi Laetitia, le problème c'est que j'ai des amis qui ont eu beaucoup des Golden et des Labradors, et si ce sont des chiens merveilleux à l'âge adulte, petit, beaucoup ont eu des problèmes de destruction, quoi. Ah oui, ça détruit tout. Bah, c'est-à-dire que un chihuahua détruit moins qu'un bébé Labrador. Mais oui, parce que déjà c'est beaucoup plus gros à peu près Labrador. Voilà, c'est mais... ça. Tous les chiots, à un moment, il faut qu'ils explorent, il faut qu'ils mordent, ils explorent oralement leur environnement. Donc oui, vous pouvez éventuellement l'enfermer, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va passer ce temps-là. Hein. Merci Fred. Bien sûr. Bon, Laetitia, avant de retrouver la météo et les infos, vous savez quoi, on va bousculer un petit peu les habitudes. On va repartir dans notre quiz de la vie privée des animaux. C'est-à-dire ? Bah, on remet le générique. On va remettre le générique, s'il te plaît, Jérôme. Et on repart avec un invité surprise. Il s'agit de Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour, Laetitia. Bonjour, François. Comment allez-vous ? Comment ça va, Pascal ? Ça va très bien, et vous ? Pascal nous a envoyé un mail sur animaux@rmc.fr et il veut nous proposer un quiz, Laetitia. Non ! Ah oui. L'arroseur arrosé. Exactement. Parce que là, vous faites la belle avec vos quiz, là, toutes les semaines. Eh bien, Pascal va essayer de nous coincer, à lui aussi. Bah, François, vous avez tout compris, effectivement. On va inverser un petit peu. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe, Pascal ? Allez-y. À vous soumettre à tous les deux. Allez-y. Voilà l'affaire. J'ai une minette de 2 ans. Oui. Et cette minette refuse de monter dans l'un de mes véhicules. J'ai une voiture, une citadine, hein, que j'utilise... Oui. Et j'ai un 4x4 avec lequel je vais souvent à la pêche. Et j'amène mon chat, enfin j'amène cette minette avec moi à la pêche. Non. Oui. C'est vrai ? Elle mange le poisson. Oui. je l'accroche avec une laisse et un harnais, et puis elle bouge pas. D'accord. Voilà. C'est génial. Alors, par contre, il y a un petit problème, c'est que... Cette minette-là accepte volontiers de monter dans le 4x4 parce qu'elle sait très bien que, bon... On va à la pêche. Voilà. Elle refuse catégoriquement de monter dans l'autre. D'accord. Alors, à ce sujet, j'ai trois réponses possibles. Hein. J'ai trois propositions que je vais vous soumettre. Allez-y. Pour quelle raison elle refuse de monter dans l'autre voiture ? Alors que je vais bien expliquer que ce n'est pas une frigo, hein. Ah, ça c'est pas beau ça, Pascal. Là vous touchez vraiment au point sensible. C'est quoi la marque de la deuxième voiture ? C'est une Peugeot 207. D'accord. Ok. Et donc vous avez trois propositions. Alors j'ai trois propositions. Donc la première, donc c'est la voiture ne lui plaît pas. D'accord. Ça doit être une histoire de couleur. La deuxième. La deuxième, elle craint qu'en montant dans cette voiture, elle va visiter son vétérinaire. Ouais. La troisième, elle sent l'odeur de mon fils, qui monte régulièrement dans ce véhicule. Et, oui. Et vu les rapports qu'elle a avec lui, elle ne cautionne pas le fait de monter. Ah oui, d'accord. Donc comme elle s'entend pas avec votre fils, elle sent son odeur, elle se dit « Oulala, je sors de la voiture vite fait ». Voilà. Bon, Laetitia, ah ben voilà, il y a un quiz. Alors, Pascal, écoutez, les chats vivent dans un monde d'odeurs. Mm-hmm. Ah, c'est peut-être le fils alors. Eh oui. Alors, je pense pas la première, je pense la deuxième ou la troisième. Parce que c'est vrai que d'abord, ils vivent dans un monde d'odeurs. Donc, si elle craint le petit parce que le petit lui a. Oui, il arrache la queue, lui tire les poils. Voilà. Ouais, je sais pas, mais bon, normalement, un chat s'habitue à un enfant quand même. Mais pourquoi pas ? Ça peut être ça, mm-hmm. dans le sens, elle associe, les chats font des associations, donc elle peut associer l'odeur à un événement désagréable, c'est-à-dire le chat qui lui tire, l'enfant qui lui tire la queue, mais elle peut aussi associer la voiture à un moment désagréable, c'est-à-dire je vais chez le vétérinaire pour avoir ma piqûre de vaccination. Et donc là, on ne veut pas monter. Donc chez les deux dernières sont bien. Mais voilà, ça doit être sans doute l'une des deux, Pascal. Hein? Il n'y en a qu'une seule qui est bonne, hein. Vous trouvez la bonne. Vous dites les deux secondes. Ah oui, moi, je pense la 3, je pense à l'odeur de votre fils. Oui, moi aussi. D'accord. En fait, c'était la 2. Ah, c'était le veto. Vous m'avez coincé, Pascal. Laetitia, on s'est fait coincer par Pascal. Je vous ai eu là, oui. Ah, bah oui. Bon, ben Pascal, merci beaucoup. Merci. Bon dimanche. Et bonne pêche, hein. Il paraît qu'il ne faut pas le dire. Cela dit, c'est dingue comme les animaux ressentent qu'ils vont chez le vétérinaire. C'est fou. Mais hein. Surtout, ils font des associations. Il y a des rituels qu'on fait. Oui, on prend 7 voitures pour aller chez le vétérinaire et pas le 4x4. Alors, la prochaine fois, il faudra prendre le 4x4 peut-être. Je ne sais pas. Laetitia, bientôt 7h. La météo, les infos. Merci à Pascal pour ce petit moment sympathique. Et on revient pour notre deuxième acte dédié aux animaux. Le 32-16, si vous voulez nous joindre. À tout de suite après la météo, les infos. RMC 6h-8h, vos animaux. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, midi, sur BFM TV, pour BFM Politique. Et je reçois Marine Le Pen. Sa parole se fait plus rare, elle est très attendue. Quelle France propose-t-elle? Quelle présidente veut-elle être? À quoi ressemblera la Marine Le Pen de 2017? BFM Politique, tout à l'heure, 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. C'est avec Valentin Mailleux qu'on fait un point sur la météo de ce dimanche sur RMC. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Et le nord et l'ouest du pays sont encore sous les averses aujourd'hui. Ces averses qui sont fréquentes ce matin sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Elles sont souvent accompagnées de vent, principalement le long des côtes bretonnes et normandes. Ce vent qui va pousser les nuages et les averses vont aussi atteindre les Hauts-de-France cet après-midi. Sur le reste du pays, après dissipation des brouillards présents localement ce matin, la tendance est globalement au beau, même si le ciel est un petit peu voilé cet après-midi. Midi, le soleil toujours voilé et perdure sur le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté, l'Auvergne, Rhône-Alpes, la région PACA, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Mais le vent pourra amener des nuages et localement des averses aussi sur le golfe du Lion. Les températures pour cet après-midi, elles sont en hausse et au-dessus des normales. 17 degrés à Brest et Cherbourg, 18 à Nantes et Strasbourg, 19 pour Lille et Reims, 20 degrés à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 pour Bourges et Nice, 22 à Marseille, Bordeaux et Toulouse et 23 degrés à Ajaccio et Biarritz. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, cyclisme, championnat du monde sur route homme et rugby, coupe d'Europe, UBB Ulster. 15h, football Ligue 1 Rennes-Bordeaux, suivi à 17h de Saint-Étienne-Dijon et à 20h45 de Marseille-Metz. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le retour du week-end des experts animaux. Il est 7h sur RMC. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. 23h30 hier soir, dramatique accident en plein centre d'Angers. Un balcon qui s'effondre du troisième étage. C'est l'information de la nuit. 4 personnes sont décédées. 2 ans qu'ils se faisaient discrets. Les militants de la manif pour tous sont de retour ce dimanche. De retour pour se faire entendre à la veille de la présidentielle. Et puis le football. 9e journée de Ligue 1. Le PSG reprend quelques couleurs. Victoire à Nancy 2-1 hier soir. Il est 7h sur RMC. Bonjour à tous. Comment un balcon d'immeuble peut-il céder et emmener avec lui plus d'une dizaine de personnes? Les questions déjà à Angers après le drame d'hier soir, peu avant minuit. 4 personnes ont perdu la vie, retrouvées dans les gravats. 11 autres sont blessées. Écoutez, ce voisin de l'immeuble touché, il s'appelle Olivier. J'ai pas vu l'accident en direct vu que ça s'est passé de l'autre côté de l'immeuble. J'ai juste vu les secours arriver en fait quelques minutes après le drame. J'ai une amie qui habite dans l'immeuble en question. Apparemment, elle n'a pas trop vu ce qui s'est passé, elle a juste entendu du bruit. Elle a pas trop fait attention vu qu'elle pensait pas que c'était quand même aussi grave que ça. Et c'est juste en fait à partir du moment où la police est venue chez elle pour lui dire de partir de l'immeuble vu qu'il y avait un accident assez grave quand même. C'est à partir du moment là qu'elle a réagi et qu'elle a compris ce qui s'est passé. Un bilan dramatique, donc je vous le disais, 4 décès, 11 blessés dont un en état d'urgence absolue. Michel Pichon, le directeur de garde du CHU d'Angers, en a reçu plusieurs dans son établissement. Au départ, on pensait avoir des urgences absolues. En réalité, on a des urgences, mais relatives seulement. Enfin, des personnes dont le pronostic vital, finalement, n'a pas été engagé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes d'Angers mais il y a certainement également des jeunes du département, voire de la région. Alors, on n'a pas mobilisé toutes les équipes. Bon, on a fait un plan blanc, mais restreint quand même. Mais on a mobilisé effectivement une quinzaine de personnes en tout sur cet événement. Et on a mis en place une cellule d'accueil des familles. Voilà, le docteur Michel Pichon interrogé ce matin par Lucille Huguet. C'était début août à Rouen. Autre drame, l'incendie d'un bar, le Cuba Libre. 14 personnes avaient été tuées. Deux mois plus tard, la mairie a décidé la fermeté. Hier, elle annonçait donc la fermeture de 10 établissements, 10 bars de nuit, loin d'être aux normes, Romain Cluzel. La mairie a choisi d'inspecter ces 16 bars parce que, comme le Cuba Libre, ils organisent des concerts et transforment pour certains leur sous-sol en mini-discothèque. Et sur les 16 établissements, un seul respectait les normes de sécurité. Lors des visites, la commission a découvert des portes de secours condamnées, des fils électriques dénudés et même un escalier de secours qui donne sur des toilettes. Les 15 bars épinglés doivent désormais procéder à un audit de sécurité et faire des travaux. Ils ont maintenant les mêmes obligations que les discothèques. Ces contrôles donnent des idées au ministère de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve souhaite recenser les bars qui peuvent poser des problèmes de sécurité parmi les 200 000 établissements de ce type en France. Le but, contrôler en priorité les bars les plus à risque. Les précisions de Romain Cluzel. La politique, ce matin, sondage RMC BFM TV, sondage trois jours après le débat entre les candidats à la primaire de droite, il n'y a pas photo. Alain Juppé creuse l'écart, 42% des intentions de vote au premier tour, Nicolas Sarkozy est à 30%. Longue, très longue interview dans le magazine Challenge ce matin, Emmanuel Macron pose les bases de sa candidature à la présidentielle, détaillant sa vision de la fonction. Un président normal, c'est une erreur, tacle clair François Hollande. L'ancien ministre prédit également la fin du Parti Socialiste. La dernière fois qu'ils étaient descendus dans la rue, c'était il y a 2 ans, longtemps après l'adoption du texte sur le mariage gay. La Manif pour tous veut se faire entendre à nouveau à 7 mois de la présidentielle. Manifestation aujourd'hui à Paris et dans le cortège, une nouvelle venue, Geneviève de Fontenay, l'ex-patronne des Miss France. Je veux que les homosexuels existent en tant que tels et qu'ils aient justement une appellation, qu'ils n'y mettent pas dans un packaging le mariage pour tous. Un mariage pour tous, ça ne veut rien dire, ça. Donc j'avais trouvé cette appellation de guerriage, qui leur donnerait une existence, qui ne peut pas être le mariage, le mot mariage. Et ce retour de la Manif pour tous sur le devant de la scène, c'est un peu ridicule, répond Jean-Luc Romero, conseiller régional socialiste d'Île-de-France. On est dans un pays de liberté, et bien qu'ils manifestent, mais de toute façon, vous savez, les Français, ils ont du bon sens. Et je marie souvent des couples homosexuels, et je vois régulièrement dans l'assistance des gens qui viennent me dire, vous savez, nous, on a manifesté contre le mariage pour tous, puis au final, notre cousin, notre père, notre ami est homosexuel, et puis on se dit, mais pourquoi tout ça? Arrêtons la démagogie, le mariage pour tous, il est là. Le reportage de Charlotte Perronnet. Le dossier Notre-Dame-des-Landes, c'est dans le journal du dimanche ce matin, la position de Ségolène Royal à l'encontre du gouvernement, à l'encontre du référendum organisé sur place. La ministre de l'écologie explique qu'il vaut mieux arrêter les frais à Notre-Dame-des-Landes. Elle envisage même l'aménagement de l'aéroport actuel à Nantes. Le plus grand concessionnaire de France ferme ses portes aujourd'hui, le salon de l'auto, et un cru 2016 à oublier, ou presque. Clément Fraioli, la foule ne s'est pas vraiment présentée à la porte de Versailles. On dépasse le million de visiteurs. Ce sera environ moins 15%, mais on dépasse le million, ce qui est largement supérieur à tous les autres salons mondiaux. Et surtout, tous les constructeurs présents sont très contents parce que c'est un salon où nous avons vendu. Beaucoup de constructeurs ont doublé leurs ventes par rapport à 2 ans, le dernier salon en 2014. Pour moi, le salon, c'était le rêve, la passion et le business. J'ai vu encore aujourd'hui les enfants et les adultes qui rêvent devant les belles voitures. Ce soir, je vais fermer le salon, mais il me tarde déjà d'être en 2018 pour faire du salon 2018 un grand salon. Voilà, vous l'avez compris, c'était pas Clément Fraioli qu'on écoutera plus tard, c'était Jean-Claude Giraud, le commissaire général du salon du mondial de l'auto, qui faisait le bilan ce matin dimanche. 7h06 sur RMC. 7 matchs sans jamais gagner, c'est un peu frustrant alors quand la victoire est là. On souffle un peu, la Ligue 1 de football et Montpellier qui respire un peu ce matin, victoire 3-2 sur Caen. Hier soir, Frédéric Hantz, le coach, est soulagé. Quand t'es entraîneur et que tu diriges une équipe qui a pas gagné depuis 7 matchs, qu'avant le match tu dis c'est peut-être le tournant de la saison, avec les soucis que t'as, enfin les absences, etc. Et que t'arrives à le gagner, ouais, c'est une grande satisfaction. On verra si c'est un tournant, en tout cas c'est une victoire très importante. C'est une vraie bouffée d'oxygène, c'est un vrai boost, mais... On sait que si on veut continuer à avancer dans le classement, voilà, il y aura encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de choses à améliorer. Paris respire aussi un peu mieux. Victoire dans la douleur de 1 à Nancy hier soir. Même score pour Nantes face à Lorient et pour Angers à Bastia, Guingamp, Lille 1-0. 3-2 pour Montpellier face à Caen. Le rugby, la Coupe d'Europe et le bilan est tout simple. 4 matchs, 4 défaites pour les clubs français hier. Toulon, Montpellier, Castres et Toulouse ont perdu. Toulouse défait 23-21 par le Connard. Du gâchis pour Florian Fritz. Ouais, il n'y a pas besoin de trop d'expérience pour se dire que c'est du gâchis. C'est vrai que c'est dommage. On mène 9-0 en début de match. On fait une ou deux erreurs qui les remettent dedans. Après, on arrive à repasser devant, à reprendre plus 10 au score. Et à nouveau, on met plus la main sur le ballon et ils reviennent et ils nous passent devant. Donc, ouais, c'est sûr que c'est du gâchis. Mais bon, bravo à l'équipe du Connard qui elle, a continué à croire en son rugby et ça finit par payer. Ouais. Et puis un mot de rallye parce que le titre est tout proche pour Sébastien Ogier. Il n'a qu'à terminer dans les points aujourd'hui lors du rallye de Catalogne pour empocher la couronne et pas de pression pour le triple champion du monde. Je pense que là, il y a tout pour que je sois assez détendu. Hein. Après, voilà, comme je dis, la pression, si elle n'est pas vraiment personnelle, elle n'est pas vraiment liée à mon titre à moi, elle est plus pour l'équipe. J'ai pas envie de faire un faux pas pour l'équipe. C'est plus ça que c'est plus cette pression-là que j'ai qu'autre chose. Il est 7h08 pile, François Sorel. C'est beau, Thomas. Vous avez vu ? Ah ouais, ça c'est magnifique. Les courses. Pour une fois, j'allais dire. J'accepte. Tiercé, Quarté, Quinté plus à Chantilly. Sébastien Larras nous conseille de retenir le 4 Grand Jeté et le 15 Siaka. Brahim Asloum est assez confiant avec le 2 Zarose. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As Magari pour cet après-midi. Et le 14 Enchop. Le 4, le 15, le 2, l'As et le 14. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Attention, dans un instant, deuxième partie de notre rendez-vous animaux avec notre Latiatia nationale, Laetitia Barlerin. On va évoquer les castors qui sont de retour en Île-de-France, bientôt sur le périphérique, les castors, les amis. On va en parler dans un instant. Une race de chiens qui vient d'être découverte. Et puis on évoquera aussi l'actualité cinématographique du moment avec la sortie du film L'Odyssée, vous savez, cet hommage au commandant Cousteau. Notre productrice a rencontré le réalisateur de ce film. A tout de suite. RMC. Le Figaro Santé Magazine s'intéresse au nouveau mal du siècle, la fatigue. Alimentation, sommeil, mal de dos, maladie de Lyme, les experts du Figaro Santé Magazine vous donnent tous les conseils pour regagner du tonus. À lire également un dossier complet sur l'audition et un dossier psycho pour aider son enfant à s'épanouir. Le Figaro Santé Magazine, 5,90€ actuellement en kiosque. Le lièvre et la tortue à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Storr fête son anniversaire. Par tranche de 2000€ d'achat, 200€ vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattu, le lièvre a son grand âme dû consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet, quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire, il faut courir et point. Monsieur Storr. Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Storr ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Nous sommes de retour le week-end des experts des animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout va bien Laetitia ? Tout va bien. Bon, il va falloir quand même que vous éclairiez ma lanterne concernant ces castors. On va en parler dans un instant. Les castors sont de retour en Île-de-France, les amis. Eh oui, mais il ne faut pas avoir peur, tout est sous contrôle. Et puis tout à l'heure, avec notre Aurélie préférée, notre productrice, on découvrira le film L'Odyssée, Laetitia. Voilà, et on parlera aussi d'une nouvelle race de chiens qui vient d'être redécouverte en Auvergne. Voilà, mais pour débuter, on va s'intéresser à l'association Andy Chiens. Voilà, et nous sommes avec Yvette Schmitt, qui est vice-présidente de l'association Andy Chien. Yvette, bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, depuis sa création, il y a 25 ans quand même, Andy Chien a formé et remis à des personnes handicapées pas moins de 1900 chiens d'assistance. Alors, dites-nous à quelles personnes sont destinés ces chiens et quel est le rôle de ces chiens? Eh bien, écoutez, nous remettons en fait des chiens qui ont trois missions principales. La première, et ça c'est notre rôle historique, j'ai envie de dire, nous remettons des chiens à des personnes enfants et adultes. Et je souligne ça parce que hier, par exemple, nous avons remis un chien à une petite fille qui a 5 ans. Alors vous voyez, enfants et adultes, des chiens qui donc vont les aider parce qu'ils sont ils souffrent de handicap moteur. Donc des enfants adultes en fauteuil. Nous remettons aussi des chiens qu'on appelle alors chiens d'assistance dits d'éveil, des chats d'éveil, à des enfants qui souffrent de troubles autistiques, trisomie, polyhandicap. Et puis, très bientôt, et ça, ce sera pour nous une nouvelle ère, j'ai envie de dire, on remettra des chiens à des personnes souffrant d'épilepsie. Et puis, on confie nos chiens à des référents dans des établissements, EHPAD, IME, pour des adultes handicapés, et puis, bien sûr, surtout des personnes âgées dépendantes, comme par exemple souffrant de la maladie d'Alzheimer. Alors, oui. On peut imaginer, pour revenir à au premier chien que vous avez remis, les chiens qui assistent des personnes handicapées moteurs, donc en fauteuil, on peut imaginer comment agit un chien guide d'aveugle, mais que fait un chien d'assistance pour personnes handicapées ? Comment ces chiens aident, assistent ces personnes ? Eh bien, imaginons simplement que nous soyons en fauteuil. Alors, je suis dans mon fauteuil, je fais tomber mes clés. Alors Yvette, juste excusez-nous, mais on vous entend très mal. Il faudrait que vous vous rapprochiez d'une fenêtre, parce que visiblement votre portable ne passe pas très bien. Et c'est... Ah, ça va mieux comme ça. Et c'est complètement haché. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Ça y est, je suis à la fenêtre. C'est parfait, alors on vous entend mieux. Ne bougez plus. Il fait frais, hein. Donc, voilà, alors je vous disais, imaginons tout simplement que nous soyons dans un fauteuil. Il y a plein de choses dans le quotidien, comme faire tomber ses clés. Eh bien, je ne peux pas ramasser les clés. Mon chien va me ramasser mes clés. Je veux sortir de chez moi, ouvrir une porte. Mon chien va m'ouvrir la porte. On aura mis quelque chose qui va lui permettre de l'attraper. Et donc, il va m'ouvrir ma porte. Je vais avoir besoin, je suis devant mon réfrigérateur. Voilà, j'ai envie d'aller boire un petit... je ne vais pas citer de marque, un petit jus d'orange. Donc, mon chien va ouvrir la porte du réfrigérateur, je vais lui dire « apporte le jus d'orange » et il va m'apporter mon jus d'orange. Mais il connaît combien d'ordres comme ça ? Bon, plus de 50, hein. 52 commandes, on lui enseigne. Voilà. Il en apprend bien d'autres. Mais je crois qu'il peut aussi apprendre à aboyer sur commande. Il aboie sur commande, donc c'est une sécurité, hein, parce que ça est arrivé, on a sauvé des vies. Nos chiens ont sauvé des vies comme ça, parce que, bien sûr, tomber, par exemple, chez soi, les voisins savent que le chien n'aboie pas normalement. Hein, donc, s'il se met à aboyer avec persistance, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une urgence. Donc, voilà, c'est qu'il y a une urgence. Donc voilà, c'est vraiment un pote au quotidien quoi, qui est là, qui est vigilant, qui vous aide, et qui, plus de 52, 53 commandes, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque nos enfants apprennent aux chiens à leur enlever leurs chaussettes, à leur apporter leur doudou, voilà. Hein, et est-ce qu'ils sont acceptés dans les écoles, alors ? Alors, c'est un grand débat. Nous avons eu, d'ailleurs, hier, puisque nous avons remis nos chiens, un grand débat. Normalement, bien sûr, il devrait être la loi, l'autorise. Hein. Mais il y a encore beaucoup de résistance, encore trop de résistance. Il y a beaucoup de nos chiens qui accompagnent les enfants à l'école, beaucoup. Mais voilà, nous sommes toujours confrontés à des résistances et nous faisons le choix plutôt de vouloir convaincre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à un établissement qui dit non, je ne veux pas, pour des tas de raisons, on y va, on explique, on montre. Et on fait accepter le chien bien sûr. Comme les chiens guides d'aveugle, normalement, on peut les emmener partout, les chiens d'assistance. Partout. Nous sommes exactement chien guide et chien d'assistance, on dit chien. Nous sommes absolument régis par les mêmes règles et les mêmes lois. Et nous avons les mêmes droits et, bien sûr, les mêmes devoirs. Alors, les races, ce sont des labradors, des golden retrievers. Pourquoi encore et toujours les labradors et les golden retrievers ? Alors, Golden et Labrador, pour une raison liée à leur comportement, à leur talent, j'ai envie de dire, sont des chiens qui aiment rapporter, je vous ai décrit. Yvette, encore une fois, on vous entend mal. Donc, Je suis pourtant à nouveau à la fenêtre. Ouais, mais c'est bizarre, on a une mauvaise liaison. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de vous rappeler. Pour conclure cet entretien, voilà. Et on revient dans un instant, on va essayer de trouver un autre moyen pour vous joindre. Et puis bien évidemment, je vous rappelle que vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Le 32-16 pour nous joindre, à tout de suite. RMC 6h-8h, vos animaux. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonne nouvelle! dès demain. Je vais faire gagner à trois d'entre vous chaque matin un 13e mois de salaire sur RMC. 2000 euros tous les matins dès 6h. Je vous donne rendez-vous dans Bourdin Direct sur RMC. Allô ma belle, devine où je suis. Ah, ton nouveau cours de yoga. Non. Séance de shiatsu. Non, toujours pas. Bon, écoute, il y a des Opel partout et des offres exceptionnelles à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Oh, je sais, le mondial de l'auto. Presque. Le salon de l'auto. Non plus. Oh, bon, je sais. Chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 euros. Oui, 7 690 euros, avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon braquage! Twingo est à partir de 99 euros par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation. Voir Renault.fr. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous voilà de retour, 7h18, c'était RMC le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, on va évoquer les castors, Laetitia, les castors qui arrivent en Île-de-France. Mais on va quand même terminer notre entretien avec Yvette Schmitt, qui est vice-présidente de l'association Andy Chien. Alors Yvette, est-ce que ça passe mieux? Moi, c'est parfait. Ouais, c'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné. Yvette. Alors, on va essayer. Dites-nous, la grande nouveauté quand même chez Andy Chien, c'est que vous allez former des chiens d'assistance à des personnes épileptiques. Absolument. Pour les personnes épileptiques. Donc là, il y a deux types de chiens qui peuvent aider les personnes épileptiques. Des chiens alors d'assistance. Se produit une crise d'épilepsie, le chien va apaiser la personne, va la sécuriser, se coucher sur elle, contre elle, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle un chien d'alerte. Et là, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. On est au début de l'aventure, car on fait les choses très sérieusement. J'espère que l'année prochaine, on pourra remettre notre premier chien. Ce chien-là, il lui faudra 7 minutes avant la crise. Il va dire à sa maîtresse ou à son maître, voilà, tu vas avoir une crise d'épilepsie. Et du coup, la personne pourra, par exemple, si elle est dans une voiture, elle pourra s'arrêter, elle pourra se mettre hors de danger, parce que quand on a une crise d'épilepsie, il y a quand même le danger de tomber, etc. Et elle pourra se mettre dans une position où il n'y a pas de danger. Absolument, c'est tout à fait le but. C'est incroyable, ça veut dire que le chien peut lire les tout premiers signes, avant même que la personne s'aperçoive va avoir une crise d'épilepsie, les tout premiers signes qui annoncent qu'elle va avoir une crise d'épilepsie. Absolument, et c'est formidable, parce qu'en général, ce qui se passe, ça existe déjà, hein. On a plusieurs de nos chiens qui ont ces comportements. Oui. Déjà chez nous, qui ont développé ces comportements spontanément. Et donc, le chien va se mettre dans certaines positions. On a un petit garçon, par exemple, qui fait des crises d'épilepsie. Le chien, quand ça va se produire, le chien réveille les parents. D'accord. Et donc, aujourd'hui, le petit Léo, qui a un chien qui s'appelle Écolo, alors qu'il allait à l'hôpital plusieurs fois par mois, ce n'est plus du tout le cas. Donc, moins de crise et apaisé. Et apaisé. Moins d'angoisse. Voilà. Super. Comme ça. Mais très bien. C'est juste magnifique. Bah oui, merci beaucoup Yvette. En tout cas, vous serez les premiers en France à remettre gratuitement des chiens. Parce qu'il faut quand même préciser que Andy Chien, c'est une association qui remet gratuitement des chiens à des personnes handicapées et prochainement des personnes qui sont épileptiques. Et que vous pouvez aider cette association soit en faisant un don, soit en devenant famille d'accueil pour futurs chiens d'assistance. Un petit peu comme les familles d'accueil pour futurs chiens d'aveugles, guides d'aveugles. Voilà. Merci beaucoup Yvette. Merci Rappelons beaucoup. Que vous êtes vice-présidente de l'association Andy Chien. 7h21, Laetitia, on enchaîne maintenant avec les castors et Paul Hurel qui est avec nous pour juniors, en parler. Non vous vous souvenez des castors, les castors juniors. Oh mon Dieu, ça nous rappelle notre enfance cette histoire-là. Bonjour Paul. Bonjour. Alors vous êtes, vous faites partie du réseau Castor de l'ONCFS, qui est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors, on va parler d'un le castor. C'est vrai que tout le monde connaît les castors, et c'est vrai qu'il a une cote de sympathie très élevée quand même, en raison de sa présence dans les dessins animés, dans les livres jeunesse. Et c'est vrai que beaucoup pensent que le castor ne vit qu'en Amérique du Nord. Et pourtant, il vit en France. D'ailleurs, il a bien failli disparaître en France. Il s'agit du castor d'Europe et non pas du castor américain. Alors, quelle est la différence entre le castor d'Europe et son cousin américain ? Alors effectivement, on est bien en fait en présence de deux espèces différentes. Hein. Elles ont pas le même nombre de chromosomes, donc il n'y a pas d'hybridation possible entre les deux. Et en termes de morphologique, on a exactement les mêmes espèces. À l'œil nu, c'est vraiment très délicat de voir une différence. La queue plate. Vraiment le critère distinction est vraiment c'est la queue plate, effectivement, qui permet vraiment de différencier d'une autre espèce qui est encore le ragondin. Mais en termes de morphologie, en tout cas, le castor canadien, le castor d'Europe, vraiment se ressemblent comme deux gouttes d'eau. D'accord. Et les deux espèces sont castor canadien est vraiment Amérique du Nord. On a quelques individus qui sont présents aussi dans le nord de l'Europe qui ont été réintroduits par mégarde. Et par contre, en Europe, là, c'est vraiment l'espèce qu'on cherche à protéger, qui avait quasiment disparu. Effectivement, c'est le castor européen, le castor fibert. Et alors, où se trouve-t-il en France et pourquoi a-t-il failli disparaître de notre pays? En fait, en France, on en avait quasiment partout, hein, vers le 12e, 13e siècle. C'était vraiment une espèce très commune. Il y a beaucoup de. On retrouve encore beaucoup au niveau étymologique. Hein. Il y a des communes, par exemple, notamment en Île-de-France, hein, la commune de Bièvre, où c'est les anciennes racines latines, en fait, hein, de biver, qui traduisent effectivement la présence du castor à cette époque-là, un peu partout en France. C'est-à-dire et que Bièvre ouais. veut dire. La commune de Bièvre doit son nom au castor. Tout à fait, oui. Si vous regardez sur le blason communal, vous retrouvez justement un castor dessiné sur le blason communal. C'est vraiment incroyable. Ça montre effectivement ces traces historiques de la présence de l'espèce. Et on a réellement eu, en fait, à l'époque, quand l'espèce n'était pas protégée, il est vrai que voilà, il y avait une chasse de l'espèce assez prononcée pour la fourrure de sa fourrure. Effectivement, c'est un animal semi-aquatique, donc il a une fourrure assez épaisse. Oui. C'est certaines qualités de fourrure bien appréciées. Il était consommé aussi pour sa chair. Au Moyen-Âge, on avait, comme l'espèce, certes, c'est un mammifère, mais il a effectivement une queue plate qui a un aspect assez écailleux. Oui. Et donc, comme il vivait déjà dans l'eau, il y a certaines personnes qui le considéraient comme un poisson et qui le consommaient le vendredi au Moyen-Âge. Ah, oui. Il y avait du civet de castor au menu. C'est ça, voilà. Les gens donnaient bonne conscience en mangeant en fait, du castor le vendredi, alors qu'en fait, ce n'est pas du poisson. C'est un mammifère, oui. Ce n'est pas ce qui a contribué seulement à la disparition, mais effectivement, la fourrure, la chair. Et il y a aussi une substance en fait que le castor sécrète qui s'appelle le castoreum, qui est une substance très odorante et qui est encore aujourd'hui mais utilisée en produit de synthèse maintenant dans la parfumerie. Ah bon ? Souvent, c'est-à-dire dans nos parfums, il y avait du musc de castor ? Voilà, à l'époque, bon, c'était voilà, vraiment plus utilisé le musc de castor, le castoreum. Mais aujourd'hui, si vous regardez, parfois, sur certains produits, effectivement, c'est écrit « oil castoreum ». Mais bon, voilà, on est plus en présence maintenant d'un produit de synthèse. On n'est plus à... Heureusement. D'accord. Effectivement, l'espèce est protégée depuis 1968. Mais en tout cas, à l'époque, c'était une des conditions. Donc, effectivement, en France, il n'y en avait quasiment plus. Les derniers individus, il en restait une centaine d'individus à peu près en Camargue dans les années 1900. Oui. Et il y a quelques personnes qui ont commencé à le protéger dans les 2-3 départements du sud de la France, Gard, Vaucluse, Gard, vers 1909. Et à partir de là, en fait, l'espèce a commencé à recoloniser un peu le bassin du Rhône, en remontant jusque sur le département de la Drôme, jusque Lyon. Et entre 1960 et 1996, il y a eu une vingtaine d'opérations de réintroduction. On a pris des individus sur ce bassin rhônédien qu'on a ramené dans différents endroits en France, notamment le bassin de la Loire, de la Moselle, du Rhin. Et avec sa protection légale sur toute la France en 1968, ça a vraiment aidé à ce que l'espèce recolonise, revienne sur des territoires où elle était historiquement présente, mais où elle avait disparu. Alors, est-ce que comme son cousin américain, il construit des barrages ? Alors oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au début, comme l'espèce avait quasiment disparu, qu'on l'a réintroduit principalement sur des grands fleuves, comme la Loire, le Rhône. J'ai vu près de la Loire des troncs en forme de crayon. Oui, donc, tout à fait, oui. On m'a dit, c'est le castor, c'est sûr. Tiens. C'est incroyable, parce qu'on le voit vraiment. Alors, je ne les ai pas vus, mais j'ai vu ces espèces de crayons, parce qu'ils font des... Fait, oui. Comme dans les dessins animés. Tout à fait, oui. Bah, l'espèce, en fait, effectivement, alors on voit très peu l'espèce en fait en nature, et il faut bien connaître pour la voir. Mais effectivement, on voit beaucoup des indices qui traduisent sa présence, comme la coupe d'arbre, parce que l'espèce est strictement herbivore. Donc en fait, elle va avoir besoin de couper des arbres sur la berge, qui sont principalement des espèces de boitantes comme le saule et le peuplier. On va avoir effectivement les traces de sa consommation avec des traces de dents très caractéristiques. Et souvent, voilà, ça fait comme un peu un taille crayon. Hein. Et donc, on voit cet arbre qui est rongé de cette manière, qui tombe. Et après, le castor en fait va se servir des poux d'arbres, effectivement, donc pour la consommation, mais aussi pour édifier des barrages. Et voilà, comme je disais au début, effectivement, comme il était que sur des grands fleuves avec des hauteurs d'eau très, très importantes, il n'avait pas besoin de faire des barrages. Aujourd'hui, le castor en fait de plus en plus. Parce qu'il arrive justement, il recolonise de plus en plus des petits cours d'eau avec des niveaux d'eau très peu profonds, ce qui nécessite en fait de créer des barrages pour faire monter le niveau d'eau. Le castor, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a besoin à la fois de la présence d'une eau permanente. Mais on le dit souvent dans les biographies qu'il faut avoir au moins 60 cm d'eau de profondeur pour en fait que l'entrée de son terrier soit immergée sous l'eau. D'accord. Et donc c'est vrai que dans les petits bras d'eau maintenant où il est présent, le niveau d'eau étant souvent insuffisant pour lui, il va édifier ses barrages comme le castor canadien. Mais effectivement, il y a 20-30 ans, on disait non, le castor d'Europe ne fait pas de barrage parce qu'on n'en voyait pas clairement en France. Mais maintenant, aujourd'hui, il en fait de plus en plus. Donc, on en voit beaucoup sur le bassin de la Loire, notamment, le bassin du Rhône aussi. Et donc, c'est vraiment là une espèce formidable pour ça. C'est vrai qu'elle est capable vraiment de modifier son écosystème d'une façon incroyable. Paul, vous restez avec nous. On va poursuivre sur ce castor qui arrive donc en Île-de-France. Hein. Et oui. Peut-être qu'il y en a un pas loin de nos studios. Moi, j'aimerais bien rencontrer un castor. Voilà, je ne sais pas si c'est très bavard, un castor. Ça fait du bruit, le castor, Paul ? Ça peut faire un peu de bruit, mais très très peu. Ça, des fois, les jeunes castors font un bruit comme un peu des nourrissons. Ça couine un peu. Oui, voilà, ça couine un petit peu, mais il faut vraiment être très proche pour les entendre. D'accord. Ça fait pas le même bruit que la loutre, par exemple. Non, pas du tout. Non. D'accord. Non. Donc la météo, les infos, et on revient. C'est RMC, et on va poursuivre notre découverte de cet animal sympathique, le castor. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. Top ! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feuvert, vous n'avez plus qu'une semaine pour profiter des 30 jours de l'expert. Exemple, Feuvert offre moins 30% sur un autoradio Bluetooth Pioneer et jusqu'à 6 mois d'abonnement 10 heures sur une sélection d'autoradios. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions ? Oui, Catherine ? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle ? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple ? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. La météo sur RMC, la météo de ce dimanche avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Ce dimanche, les régions situées au nord-ouest seront encore sous les averses. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Côtes du Nord, le ciel restera gris toute la journée avec de fréquentes averses donc et du vent qui souffle en rafale jusqu'à 60 km/h. Ailleurs, après dissipation des grisailles et brouillard du matin, bien présent en Bourgogne notamment en ce moment, le temps est globalement calme des frontières belges aux Pyrénées et sur la Méditerranée et le soleil est souvent voilé, mais bien présent. Mais le vent amènera quand même des nuages et localement même des gouttes sur le golfe du Lion cet après-midi. Demain lundi, une nouvelle perturbation balaye le pays. Le ciel sera nuageux et pluvieux sur une large partie est alors que l'ouest profitera encore d'éclaircies malgré des nuages. Les températures cet après-midi sont en hausse et au-dessus des normales de saison. 17 degrés à Brest et Cherbourg, 18 à Nantes et Strasbourg, 19 pour Lille et Reims, 20 degrés à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 pour Bourges et Nice, 22 degrés à Marseille, Bordeaux et Toulouse, 23 à Ajaccio et Biarritz, ce sera le maximum aujourd'hui. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. C'est RMC, il est 7h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Schuppin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Dramatique accident à Angers. Cette nuit, il était 23h30 quand un balcon s'est effondré en plein centre-ville. Balcon situé au troisième étage d'un immeuble. 4 personnes sont décédées, 11 sont blessées, dont l'une en état d'urgence absolue. Le plan blanc a été déclenché sur place. 70 pompiers mobilisés. C'est un autre accident dramatique début août à Rouen. L'incendie dans un bar de la ville. 14 personnes y avaient perdu la vie. La mairie a donc décidé de prendre les choses en main et prononcé hier la fermeture de 10 bars de la ville. Mesures de sécurité, aucun n'était aux normes. La politique, sondage RMC, BFM TV ce matin, sondage 3 jours après le débat entre les candidats de la primaire à droite et il n'y a pas photo. Alain Juppé creuse l'écart, 42% des intentions de vote, Nicolas Sarkozy est à 30%. Longue, très longue interview dans le magazine Challenge ce matin, Emmanuel Macron pose les bases de sa candidature à la présidentielle détaillant sa vision de la fonction. Un président normal, c'est une erreur, tacle claire adressée à François Hollande. L'ancien ministre prédit également la fin du Parti Socialiste. C'est aujourd'hui de retour de la manif pour tous. 2 ans qu'il ne s'était pas montré. Aujourd'hui, il dénonce la GPA, la casse de la politique familiale et les menaces sur les libertés éducatives, disent-ils. Il compte bien se faire entendre durant la campagne présidentielle. Les sports, le football, le PSG qui ne brille pas mais qui gagne. 2-1 face à Nancy, 9e journée de Ligue 1. Même score pour Nantes face à Lorient et pour Angers à Bastia. Guingamp bat Lille 1-0, 3-2 pour Montpellier face à Caen. Et puis le rugby, la Coupe d'Europe, un samedi cauchemar pour les clubs français. 4 engagés, 4 défaites. Toulon, Montpellier, Castres et Toulouse n'ont rien pu faire hier. 7h31 sur RMC. Vous êtes avec Laetitia Barlerin et François Sorel, vos animaux. Merci beaucoup Thomas Chupin. Vous revenez à 8h, bien entendu, pour développer tous ces titres d'actualité. Dans un instant, on repart avec Laetitia dans notre rendez-vous animaux avec vos questions au 32-16. À tout de suite. Si un jour vous cherchez la fréquence d'RMC, ayez le réflexe 32-16. Toutes les fréquences d'RMC sur simple appel. Laetitia, attention, c'est l'heure de la question. Flash. En moins de 2 minutes, la Tiatia, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Gilles. Mon chat s'appelle Figaro. Figaro ? Mais il est très sauvage. Lorsqu'on reçoit des amis, il se cache systématiquement dans la chambre et ne vient nous voir que lorsque tout le monde est parti. Oui. Mais. Bah oui. Est-ce un trait de caractère ou est-ce possible de modifier son comportement, Laetitia ? Écoutez, Gilles, beaucoup de chats, pour ne pas dire tous les chats, détestent le bruit, l'agitation, le monde, la musique à fond, le mélange d'odeurs. Parce que plus aussi, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup d'odeurs différentes. Sans compter l'odeur de la bière et du vin. Et voilà. Donc tout ça, ça les dérange. Alors. Que fait le chat ? Instinctivement, il se cache pour retrouver un apaisement. D'accord. Et oui, ça le stresse, tous ces stimuli, stress. Bah oui, parce que c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc voilà, il se cache. Et pourquoi il ressort à la fin ? Bah parce que le calme revient, et voilà, tout simplement. Et après, il anticipe, il sait que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, peut-être que la soirée va recommencer. Oui. Donc je me cache, et puis il est très bien sous le lit. Pourquoi pas ne le laisser sous le lit ? Alors, oui, il y a certains chats qui sont plus sauvages que d'autres, et qui se cachent plus facilement que d'autres. Souvent, ce sont des chats qui n'ont pas été socialisés petits dans leur vie, peu socialisés, peu manipulés par l'homme avant leurs 2 mois. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord ne pas aller chercher le chat sous le lit, parce que ça va encore plus le stresser. Ouais. Vous laissez faire. Au bout d'un moment, il ressort, non ? Oui, puis avec les années, ben, il va comprendre. Il va d'abord reconnaître les odeurs des invités. Et il va savoir que bon, ben, rien ne lui est arrivé quand donc le cousin Hubert est venu. Et peut-être que je vais aller voir le cousin Hubert. Qui a l'air sympathique finalement. Et puis faites un petit peu de calme avec vos invités aussi. Voilà, ne criez pas, ne trinquez pas. mettez une petite musique douce. Voilà. Et il va arriver. Et pas de cacahuètes pour le chat, c'est pas bon. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 8h25. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Excellent dimanche avec RMC. Vous venez peut-être de nous rejoindre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux que nous vous proposons tous les dimanches, 6h, 8h. Un rendez-vous exclusif RMC. Nous sommes les seuls à vous proposer 2 heures en compagnie de notre vétérinaire, Laetitia Barlerin, qui répond à vos questions et avec qui nous nous intéressons à tout ce qui touche de près ou de loin à l'actualité liée aux animaux. Dans quelques instants, on va s'intéresser au commandant Cousteau aussi, Laetitia, avec le film L'Odyssée, qui rend hommage évidemment au commandant Cousteau. Et nous aurons en interview le réalisateur de ce film. Et nous continuons avec les castors qui reviennent en Île-de-France. Et oui, il y a des castors en France. Et nous sommes toujours avec Paul Hurel du réseau Castor de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Alors dites-moi Paul, et ça va intéresser François, il faut savoir que le castor, chose rare chez les mammifères, est monogame, fidèle et se marie à vie. Et alors, ils vivent, le couple vit dans cette petite hutte sous l'eau. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne rencontre pas sur toutes les espèces. Mais on a effectivement un couple fidèle avec donc le mâle et la femelle qui vont vivre sur un territoire, on estime, entre 300 mètres et 2 km linéaires d'un cours d'eau. Et ils vont avoir pour habitation en fait un terrier l'espèce, le castor est un rongeur, donc il va creuser sous la berge un genre de tunnel, en fait, une entrée sous l'eau. Voilà, l'entrée est vraiment sous l'eau, en fait, c'est un peu inconsciemment, il a envie de se mettre à l'abri de ses prédateurs. D'accord, ouais, ouais. Et en fait, donc l'entrée va être sous l'eau, et après, il va y avoir comme un petit couloir qui va lui permettre de remonter à l'intérieur de la berge pour sortir du niveau d'eau, et après, on accède à une chambre qui sera donc hors d'eau, en fait, mais qui reste sous terre. Et dans cette chambre, parfois, il ramène un peu des écorces d'arbres, un peu de une genre de litière pour justement se faire un peu un genre de sol dans la chambre. D'accord. Et il arrive effectivement que aussi il coupe des bouts de bois, qu'il les mette au-dessus de ce terrier, au-dessus du sol, pour faire un genre de toit au-dessus du terrier. On appelle ça un terrier hutte. Et on a dans cette chambre, dans ce terrier hutte, effectivement les deux adultes. Et chaque année, ils vont mettre bas. Alors le castor européen, normalement, on parle de 2 jeunes par année. Oui. Et donc chaque sur une année, en fait, on va avoir les 2 adultes, les 2 jeunes de l'année en cours et les 2 jeunes de l'année d'avant. Et donc forcément, quand les 2 jeunes de l'année en cours arrivent, les 2 jeunes de l'année d'avant doivent partir, doivent trouver un nouveau territoire, parce qu'il n'y a plus bien assez de place pour ces individus dans le terrier. C'est incroyable, parce que la chambre parentale, en fin de compte, on n'y accède que par l'eau. Voilà, tout à fait. Alors parfois, bon, il arrive que effectivement les niveaux d'eau, par exemple sur la Loire, un fleuve qui restait assez sauvage, où effectivement on a des niveaux d'eau qui fluctuent pas mal. Donc, et il arrive que le castor, des fois, à l'entrée de son terrier, ne soit plus sous l'eau, mais des fois, sur son domaine vital, il peut avoir plusieurs terriers à différentes hauteurs de niveau d'eau, pour justement permettre d'avoir cette entrée toujours sous l'eau. On a vraiment un mammifère en fait qui est semi-aquatique, hein, qui va vivre sous l'eau, qui peut même nager pas mal de temps sous l'eau. On parle de 10-15 minutes parfois en apnée. Ah ouais. Et aussi aller sur terre ferme pour aller consommer, couper des arbres. Oui, parce que c'est quand même le seul animal ébéniste. D'accord. C'est le bûcheron. C'est le bûcheron, non? Ah ben on l'appelle ingénieur des écosystèmes plutôt, mais effectivement, il est dans un sens un peu bûcheron. Oui. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un castor près de chez soi? C'est-à-dire, on dit qu'il a un rôle écologique, le castor. Il est quand même bûcheron, il coupe les arbres. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que le fait qu'il ait vraiment une incidence sur l'écosystème, alors c'est principalement donc, sur la ripisylve, hein, sur les berges, sur les arbres qui sont sur la berge des cours d'eau ou des étangs, effectivement, il y a un rôle à la fois, dans certaines zones, il va éclaircir en enlevant quelques arbres, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces arbres-là ne sont pas, après, on parle pas de coupe rase, comme parfois pour certains bûcherons, on a vraiment souvent des arbres qui vont recéper énormément, comme le saule, le peuplier, donc on voit vraiment en espèce castor, une espèce qui va effectivement couper des arbres, mais revitaliser, en fait, redonner une dynamique à la ripisylve. Et surtout, là où il est vraiment ingénieur des écosystèmes, c'est quand justement il édifie ses barrages. Parce que là, on va avoir vraiment une création de zones humides avec donc les niveaux d'eau qui vont parfois sortir du liminaire du cours d'eau, qui vont atteindre des zones qui initialement étaient hors d'eau. Et donc, on a tout un cortège d'espèces animales, végétales qui vont être associées à la présence du castor et des zones humides que le castor va créer. Et c'est vraiment ça où l'espèce a vraiment un intérêt en termes écologiques. Parce qu'on a beaucoup de zones humides aujourd'hui en France, on essaie une protection qui permet de les protéger, mais effectivement le castor est là aujourd'hui à, on va dire, renverser la vapeur et à recréer des zones humides qui aujourd'hui ont tendance à disparaître en France. On peut l'observer facilement? Alors le castor en observation, bon, l'espèce est principalement nocturne, hein, vraiment, donc effectivement pour l'avoir c'est au crépuscule ou à l'aube. Oui. Et bon, c'est sûr qu'en été, comme les jours sont un peu plus longs, c'est plus facile pour nous de les voir. Et puis là, vers la fin de l'été, on a les jeunes aussi qui sortent, donc ça fait plus d'individus, on va dire, qui sortent autour du terrier. Donc il faut être discret, faut être conscient de l'écologie de l'espèce, donc savoir qu'il y a besoin d'un cours d'eau, qu'il faut avoir identifié s'il y a justement des coupes en crayon, comme le disait Litessia tout à l'heure, pour voir si l'espèce est bien présente, et puis après il faut s'en remettre patience, et puis souvent on est récompensé. Merci Paul. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur le castor, et oui, qui vit en France aussi. Et voilà. Et vous savez ce que fait le castor quand il va faire du shopping? Non? Non. Il va chez Castorama. Oh là là. Ah, bon, écoutez, puisque celle-là est passée à 8h20, on va enchaîner. Avec Julien. Avec une race de chiens qui vient d'être découverte, Laetitia. Et voilà, et nous sommes avec Julien Souvigné, qui est président de l'association de sauvegarde du chien berger d'Auvergne. Alors, qui est ce chien berger d'Auvergne? On va le savoir avec Julien. Julien, bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Alors bonjour. C'est marrant parce qu'on parle d'une espèce comme le castor qui a disparu de nos régions et qui est revenu la recoloniser. Et nous allons parler d'un chien qui a disparu et qui a été redécouvert. Alors comment redécouvre-t-on une race de chien? Alors déjà, il n'avait pas entièrement disparu, on va dire. Donc on a redécouvert la race de chien. C'est Émilie Dracon qui avait la nostalgie de ce chien et qui possédait un chien déjà. Et qui a fait en fait un avis de recherche, qui a passé un avis de recherche auprès de différentes associations. Et ah bon, pas sur Internet, manière. Pas sur les petites annonces, quoi. Non, sur les recherche chien berger d'Auvergne. et oui, avec une photo. Elle l'appelait pas chien berger d'Auvergne, elle disait recherche chien de nos campagnes, ou je sais plus comment elle avait dit, mais c'était sur les journaux locaux. Et donc, par ce biais-là, elle a eu quelques remontées, et ce qui nous a permis de démarrer finalement notre petite association. Alors, décrivez-moi ce chien, parce qu'à quoi ressemble-t-il ? En fait, on n'a pas forcément de standard fixe. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'en est pas à un stade de race, on en est à un stade de population. Donc, en fonction qu'on se trouve sur le Puy-de-Dôme, sur le Cantal, sur la Haute-Loire, ou sur l'Ardèche, ou sur différents départements, le berger d'Auvergne n'a pas tout à fait la même physionomie. Ah la bon seule chose qui... Et non, pour le moment, on n'a pas de notion mais de race. C'est quoi c'est un chien de berger, donc... C'est un chien de berger. Voilà. De taille moyenne. Taille moyenne. Et au niveau... De taille moyenne. Poil. Au niveau poil, un poil assez dur, un sous-poil dense. Oui. Et sa caractéristique, c'est que c'est un chien très rustique. Quoi. Voilà. Et il ressemble, j'ai vu des photos, il ressemble à un berger. Enfin, croisé berger. Oui, un chien avec le porte-queue assez bas, les oreilles, on a tous les ports d'oreilles, droits, semi-dressés ou basses, des têtes souvent assez fines, des crânes plutôt ronds, des membres assez fins. Mais on peut pas dire le berger d'Auvergne est comme celui-ci, quoi. Le problème, c'est ça, c'est qu'on peut vous dire aussi, c'est un croisé ou un cornuau de nos campagnes et c'est pas une race. Eh oui. Et à la base, si vous voulez, c'était un métissage de chiens de pays, quoi, puisque avant les années 80, il n'y avait pas autant de chiens de race dans la campagne, et c'était un métissage de chiens de pays, quoi. C'était, on pouvait pas dire que c'était une race. C'est vrai que c'était un cornuau. On l'appelait d'ailleurs le cornuau ou le bâtard, et c'est nous qui l'avons entre guillemets baptisé le berger d'Auvergne. Mais c'est vrai que c'était pas une race, c'était un métissage, quoi, de chiens. Alors, de toute façon, toutes les races de bergers, justement, ont commencé comme ça. C'était dans des régions, des chiens qui étaient un métissage, justement. Et après, on a fixé la race. Donc, ça veut dire que le but de votre association, c'est justement de fixer la race. À terme, tout à fait. Oui. C'est à terme, c'est de fixer la race et d'en faire un chien reconnu, quoi. Alors, quelles sont les qualités de ce chien berger d'Auvergne ? Alors, je crois que la première de ses qualités, c'est que c'est un chien très, très rustique. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est jamais malade, qui peut vivre dans les fermes, je veux dire, sans aucun problème. Et après, il est très proche de son maître, il est très dévoué à son maître, il est très facile à dresser sur le troupeau. En fait, il travaille par mimétisme, quoi. Si vous n'avez pas de vieux chien capable de dresser le jeune chien, c'est votre travail de, mettons, les éleveurs laitiers rentrent les vaches matin et soir, et bien le chien va comprendre le travail, et un beau jour, à 5 mois, 6 mois, 7 mois, il va se mettre à faire le travail à votre place. Et c'est un chien très polyvalent. Très bien, merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. Merci François, merci Laetitia. Le chien berger d'Auvergne. Voilà, on va mettre des photos de ce chien. Alors justement, si vous habitez en Auvergne et si vous avez, connaissez de ces chiens-là, comme on est en train de constituer la race, et ben ça serait bien quand même de prendre contact avec cette association pour fixer une nouvelle race, chien berger d'Auvergne. En plus, c'est très joli comme nom. Oui, c'est vrai que ça sonne bien. merci Julien. Merci beaucoup. Merci. Et bon dimanche. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Laetitia, vous le savez, dans ce rendez-vous animaux, c'est aussi l'actualité cinématographique liée, on va dire, à la nature et aux animaux. Dans un instant, on va découvrir un film qui est sorti mercredi dernier. Il s'agit de L'Odyssée, qui est évidemment, qui raconte l'histoire du commandant Cousteau. On en parle dans un instant avec Aurélie, notre productrice qui nous rejoint dans ce studio. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins qui font leur anniversaire avec une bougie et trois cotillons. Et puis il y a l'anniversaire La Paire avec plein de petits prix et des centaines de promotions. Jusqu'au 2 novembre, pendant l'anniversaire La Paire, il y a par exemple jusqu'à 25% de remise sur les fenêtres PVC ou aluminium sur mesure. Moins 25% sur les fenêtres. L'anniversaire La Paire, mais c'est sûr, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane, au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Salut, c'est Jules, impitoyable testeur de nouveaux bonbons. Aujourd'hui, je teste les Dragibus Color Pops. Craquant dehors, moelleux dedans. Ouais, faut voir. C'est vrai, ça craque et c'est moelleux. Non mais j'adore. Non encore. Et les bleus, c'est pareil. Oh, c'est bon aussi. Dragibus Color Pops, craquant dehors, moelleux dedans. Une vraie nouvelle sensation. Dragibus, testé et approuvé. En plus, le pack est refermable. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Allô Marie, devine où je suis. En Papouasie. Mais non, en ce moment, c'est le... C'est le plus beau jour de ta vie. Presque. Il y a des Opel partout, les derniers modèles et des offres exceptionnelles à ne pas rater. Ah, le salon de l'auto. Voilà, et du coup, devine où je suis pour en profiter. Ben, au salon de l'auto. Eh ben non, chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 €. Oui, 7 690 €, avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Voilà, 7h48, c'est RMC. Le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, Laetitia, ce sera notre vidéo LOLCAT, mais qui est vraiment très drôle. C'est une fable de La Fontaine. Oui, c'est le lièvre et la tortue. Et quand on fait la course, quand on met en place une course entre un lièvre et une tortue, ou un lapin et une tortue, et qu'on filme ça, ça donne un résultat, il y a forcément un gagnant. On va pas vous le dire, il faut regarder la vidéo. Mais on retrouvera cette vidéo sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC dans un instant. Mais auparavant, Laetitia, on va découvrir sans doute l'événement cinématographique de ces dernières semaines. Et oui, c'est l'Odyssée, et oui, c'est le film sur le commandant Cousteau. Tout le monde connaît le commandant Cousteau avec son célèbre bonnet rouge. Oui. Voilà, et avec Lambert Wilson joue Jean-Yves Cousteau, Audrey Tautou. Simone Cousteau, sa femme, et Pierre Toutou. Cela dit, dans une émission dédiée aux animaux, c'est une déformation professionnelle. Elle ne peut s'appeler que Audrey Toutou, franchement. Et Pierre Ninet, qui est Philippe Cousteau, un des fils du commandant Cousteau. Pierre et Ninet, vous avez dit aussi, finalement. Non, j'ai dit Ninet. Ah pardon, j'avais compris Ninet, parce que là, on était encore après le Toutou. Parfait. Et Aurélie Frex, notre productrice, a vu le film et a rencontré le réalisateur. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour François, bonjour Laetitia, bonjour à tous. Oui, j'ai eu la chance de voir ce film qui est vraiment un film événement, hein, qui est sorti mercredi. C'est vrai. L'Odyssée, on écoute cette jolie musique. Voilà, un joli thème musical. Oui, c'est vrai, le commandant Cousteau, on le connaît tous. Sauf peut-être les moins de 20 ans, mais bon, pour nous, c'était les dimanches après-midi. Oui. Les documentaires qu'on regardait en famille. C'était génial, c'est vrai. Voilà, la Calypso, bien sûr. Et oui, c'était ce fameux navire du commandant Cousteau. Et là, dans ce film, donc réalisé par Jérôme Salle, on découvre justement Cousteau, l'homme. Donc le film débute en 1948. Jacques-Yves Cousteau, il est alors officier de marine et il vient d'inventer le scaphandre autonome. C'est vrai, c'était un événement à l'époque. Et oui, et grâce à cela, il découvre un monde qui était un peu comme la Lune, quoi. Un monde entièrement inconnu à l'époque. Le monde du silence. Exactement, le monde du silence. Alors on écoute un extrait de la bande-annonce pour se plonger, c'est le cas de le dire, dans l'ambiance du film. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on entend ? Calypso. Tu vas pas acheter ça? Ah bah c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. On entend entend les voix hein, de Lambert Wilson, Audrey Tautou, évidemment, hein, c'est ce casting. C'est vrai que c'est un casting haut de gamme quand même. Hein. Ouais, c'est 3 étoiles, d'autant que Pierre Ninet également, hein, c'est vraiment l'acteur français qui monte, hein, l'acteur du film Yves Saint Laurent. Et c'est un film qui a mis plusieurs années à se monter. C'était une longue écriture de scénario, parce qu'on parle ici d'un mythe, hein, le commandant Cousteau, c'est quand même un des Français les plus célèbres au monde. Et oui. Et donc son réalisateur, Jérôme Salle, alors c'est pas n'importe qui, hein, c'est un réalisateur français qui a vraiment mené de grandes réalisations, hein, Largo Winch 1 et 2, c'est lui. Vraiment, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de film attendu. Alors, faut savoir quand même que Cousteau, c'est un personnage qui est controversé aussi aujourd'hui. Oui, pour les défenseurs de l'environnement, Cousteau, il déchaîne les passions. C'est à la fois un personnage qui est adulé et détesté, et c'est un personnage qui a évolué au fil des années. C'est ce qui a intéressé le réalisateur Jérôme Salle, que j'ai eu la chance de rencontrer. On l'écoute. Cousteau, c'est un homme du XXe siècle. Vraiment, à travers lui, on peut raconter le XXe siècle. Donc, ça veut dire qu'il est né en 1910. C'est sans doute le dernier grand explorateur, puisqu'il a découvert le dernier monde inconnu, qui était le monde sous-marin. Et ce monde, parce que c'était un homme de son époque, il avait effectivement envie de le conquérir, de le dominer et de l'exploiter, d'exploiter ses ressources. Donc il s'est jeté là-dedans à corps perdu. Et il a compris au fil des années, en revenant sur les lieux où il avait déjà plongé, il a compris peu à peu que la faune était en danger, que cette planète, que ce monde qu'il avait découvert était en danger. Et oui, Cousteau, c'est 1910-1997, donc c'est exactement ça. C'est l'histoire du XXe siècle, c'est ce qu'il dit. Et voilà, et en retournant explorer ce qu'il avait tenté de conquérir lorsqu'il avait découvert le monde sous-marin, mais il s'est rendu compte que ça se dégradait au fur et à mesure. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut arrêter de conquérir, mais il faut protéger. Et c'est là qu'il est devenu ce grand homme de l'environnement et de la protection des espèces grâce à ses observations. Et du coup, le réalisateur Jérôme Salle m'a raconté que en tournage, il avait fait un petit peu la même expérience parce qu'il a tenté d'aller tourner à nouveau les images, oui. Des images identiques à ce que Cousteau avait tourné dans les années 40. Là, ça a dû être le choc, je pense. Et là, exactement. Voilà. Exactement. Il y avait un problème avec la faune qui n'était plus là, justement. Il n'a jamais retrouvé la faune sous-marine des années 40 en Méditerranée. Si bien que, en fait, tout le film est en images réelles. Le seul moment où il met des effets spéciaux, c'est ce moment-là où il est obligé d'ajouter de la faune sous-marine dans ces images. C'est incroyable. Alors, ce film, ça a été aussi un tournage aux quatre coins du monde, comme le faisait Cousteau finalement, qui voyageait tout le temps. Bah, c'est exactement ça. Hein. Donc, par exemple, il y a une partie du tournage qui a été faite en Antarctique. Donc ça, c'est exceptionnel, hein, un film tourné en Antarctique. 14 jours de tournage là-bas, une tempête énorme. Enfin bon, c'était un peu l'apocalypse de tourner comme ça sur ce bateau comme Cousteau. Mais l'Antarctique, c'était important pour Cousteau, hein, puisque ce qu'on gardera beaucoup certainement de lui, c'est cette signature du traité de Madrid pour l'Antarctique en 91 qui en protégeait le continent de toute exploitation minière pour 50 ans. À l'époque, on se souvient de cette image où il avait fait venir 6 enfants venus de 6 continents pour prendre symboliquement possession de l'Antarctique au nom des générations futures. Voilà, et il y a cet autre moment incroyable de magnifiques images avec des requins. C'est un moment où on a peur, et on a peur pour Pierre Ninet justement. Et Jérôme Salle nous raconte le tournage de cette scène incroyable aux Bahamas avec des requins. On a tourné la séquence en réel avec les acteurs. D'ailleurs, Pierre Ninet était là. Et pour Pierre et pour moi, on s'en avait parlé des mois avant de cette séquence qui à la fois nous excitait et nous effrayait, je crois, l'un comme l'autre. Moi, j'avais jamais plongé avec des requins non plus. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est aperçu que passer cette première appréhension, plonger avec des requins était une expérience absolument exceptionnelle qui finalement vous amène une forme de sérénité. Il y a une beauté chez cet animal qui vous stupéfait et être entouré comme ça de ces animaux, c'est une chance incroyable. Ça paraît dangereux, mais ça n'est pas dangereux, en fait. Il y a moins de 10 accidents mortels par an dans le monde dus à des requins. Et dans le même temps, nous, les humains, nous tuons, nous massacrons 100 millions de requins par an. Voilà, ça donne une idée. En fait, le prédateur, c'est nous, c'est pas le requin. C'est vrai. Alors au final, Aurélie, on va le voir ou pas ce film ? Ah oui, franchement, on peut aller le voir les yeux fermés, mais ce serait dommage d'y aller les yeux fermés parce que les images sont tellement magnifiques. Et surtout, on ouvre ses oreilles pour la musique originale d'Alexandre Desplat. C'est juste absolument exceptionnel. Voilà, c'est l'histoire d'un homme passionné. Ça déconstruit, c'est vrai, un mythe parce que c'est un homme un peu égoïste qui laisse tomber sa famille pour sa passion